Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Paradis gothique pour certains, enfer de briques et de rouille pour d'autres. Saviez-vous que Gotham City était la ville la plus densément peuplée des États-Unis? Certains journalistes internationaux l'ont déjà comparé à certaines villes asiatiques. Et encore, ils n'avaient pas visité les coins les plus malfamés. Ceux dans lesquels les ruelles ne sont pas étroites que par le béton, mais aussi par les regards et les mains mal intentionnées. Mais malgré cela, la ville a aussi été décrite comme un des épicentres mondiaux de la culture, de la finance et du multimédia. Sans oublier, bien entendu, qu'elle pèse lourd dans le domaine de l'innovation technologique, le commerce international, le divertissement, l'éducation, la mode, le tourisme et les sports. Ce n'est pas seulement à cela, cependant, qu'on doit une population aussi élevée, de 9 millions et des poussières. Malgré la sordide réputation qu'on lui connaît, lorsqu'on parle de véritablement y vivre. Cette ville est une sirène. Et lorsqu'on y pose le pied, il est difficile d'en réchapper. On perd facilement son argent dans les rues. Un voisin a vite fait de dévaliser toutes nos possessions dans la nuit. Vous devez bien rapidement une certaine somme d'argent à un malfaisant bienfaiteur. Gotham City est une des grandes portes de l'immigration légale vers les États-Unis. Et de ce fait, une large partie de la population est fluctuante. Ceux qui peuvent s'enfuir partent vite pour d'autres villes. Ceux qui ne peuvent pas... Enfin, tout ça pour dire qu'on parle 600 langues différentes à Gotham City. Mais évidemment, l'anglais américain fait toujours la loi. Nous avions quitté notre groupe de malfrats étrangement chanceux il y a quelques semaines, lorsqu'autour d'une table, ils avaient décidé de leurs objectifs premiers. Remettre le My Alibi, le Our Alibi, sur pied, pour avoir une devanture légale et familière. La suite, eh bien, mis à part le cambriolage d'un musée, tout est encore à discuter. Le bar, en tout cas la partie destinée au public, n'est plus en travaux. Vos contacts ont été efficaces, et bien payés. Il reste encore à emménager l'arrière et le sous-sol. Selon vos exigences particulières. Vous n'avez eu, malgré leur promesse de revenir vers vous, aucune nouvelle, ni du fameux banquier, ni de Looney Royal, l'étrange patrouilleur aux lunettes à verre rouge, qui vous sert maintenant d'œil et d'oreille dans la zone. Pas de nouvelles non plus du gang contre lequel vous avez mis en garde. Peut-être les travaux les ont-ils fait fuir. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant bien installé. Vous avez un repère, et au moins l'une d'entre vous possède un appartement quelques étages au-dessus. Vous êtes à nouveau retrouvé sur place. Pas encore de clients accoudés au bar. Certains sont passés pour voir la nouveauté, en demander en verre, sont repartis. Il faudra encore un temps avant d'avoir vos piliers et vos habitués. L'avenir est radieux. Et déjà, l'incertitude des premiers jours se dissipe. Reste à savoir si vous avez la niaque nécessaire pour réussir dans le monde des affaires. Bah moi je vais m'occuper de l'électricité du sous-sol. Vu quand c'était dit que j'allais câbler les choses et tout ça pour récupérer des données, des portables et des ordi portables des clients. En effet. Tu vas me faire. Alors ça, je considère que c'est quelque chose qui s'est fait un peu dans les semaines là qui viennent de passer. Donc je vais Ouais. juste te demander un jet de. Bon, on va être gentil, on va dire. C'est pas vraiment ça, mais on va dire un peu d'informatique. Pour voir si D'accord. t'as réussi à faire ce qu'il fallait. Ok. Voir un peu en tout cas le niveau de ce que t'as pu installer. J'ai fait 50, donc j'ai 50. J'ai fait 50. J'ai Ok. galéré. Eh bien, en effet, tu as pas mal galéré. Il se trouve que, le My Alibi, à la base, c'était juste la cave d'un bloc d'immeuble. Donc, qui a été fait d'ailleurs il y a pas mal d'années. Ça a dû être fait dans les années 50, peut-être même avant. Donc, t'as dû beaucoup piocher, t'as dû trouver un moyen, des moyens d'installer ce qu'il fallait. T'as réussi à placer l'électricité, ce qui est déjà pas mal, encore plus à Arkham City. Donc, vous avez l'électricité, vous n'avez pas quoi que ce soit la fibre ou en tout cas un internet très stable ou quoi que ce soit, mais vous avez quelque chose, c'est déjà pas mal. Sans oublier que de temps en temps l'électricité se coupe quand même parce qu'il y a toujours un gars à Arkham City qui arrive et qui coupe les câbles en plein milieu de la ville parce que ça l'amuse ou parce qu'il veut récupérer quelque chose. Ça arrive. Bon, en tout cas, de ce que j'ai compris, ben, déjà on a un logement. C'est déjà bien. Vous avez en effet un logement. En tout cas, si Ruby accepte de vous héberger dans son petit appartement qui est quelques étages au-dessus. Bon, Et sinon, il y a toujours moyen de toute manière de s'entasser à l'arrière du bar. Il me semble qu'on avait déjà un petit peu parlé de partager des pièces, il me semble. En effet. Je vous Oui, rappelle d'ailleurs. que nous avons la note collective là sur le Discord où vous pouvez voir les. Une galerie collective où vous pouvez voir les plans de l'appartement et aussi du bar. Oui, c'est ça. D'ailleurs, sur le plan, j'indique que je vais prendre la chambre 3, mais je pense me raviser et prendre la chambre 1, parce que certaines personnes parmi vous auraient peut-être besoin d'avoir plus de place que moi. Moi, par exemple. Par exemple. Et pourquoi toi? Pourquoi Parce pas que moi? pour moi, parce que c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Non, mais oh, raciste. Non, je vais prendre la Pardon. 3. J'étais parti, au début je prenais la 1, mais comme tu veux prendre la 1, bah écoute, je vais prendre la 3. On peut échanger en effet, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, là, vous êtes trois à avoir vos propres chambres, c'est ça? Alors, il y a quelqu'un qui peut, une à deux personnes qui peuvent dormir sur le canapé de place qui se déplie dans le couloir, enfin dans le couloir salon. Bah écoute, Yasmine, je te propose qu'on s'achète un appartement pour nous. Alors là pour l'instant c'est loué hein, c'est pas acheté hein, d'accord. C'est loué, ouais. Bon, tu veux C'est juste le loué en porter, effet. non? C'est pas. Il n'y en a pas les sous pour pouvoir acheter un appartement déjà, donc C'est le dernier de l'immeuble en plus. Bon, je Non, je prends le croyais qu'il n'y avait pas canapé. trois appartements à louer? Non, il me semble que c'était le dernier, Mais à qu'un moins seul? il me semble que c'était le seul parce que c'était pas l'étage que je voulais à la base, mais je m'étais contenté de ça. Non, il me semble qu'il y en Mais avait peut-être. plusieurs parce que tu avais eu le choix de choisir celui que tu voulais. Il y en J'ai pas eu le avait, et en choix. fait, il y en Ah, avait vas-y. plusieurs, il y en avait plusieurs, mais celui qui était juste au-dessus du Hour Alibi, je suis là que vous vouliez, justement, lui était déjà occupé. Ah, c'est Voilà. ça. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout à fait en louer un deuxième. De toute façon, On peut l'idée en louer un étant deuxième, du coup. qu'on possède tout l'immeuble à un moment donné. Donc, Oh. on Dans chacun notre doit. étage. Il y a combien d'étages Voilà. déjà cet immeuble? Il y en a 5 si je me souviens bien. Eh ben, Je écoute, ne c'est l'ai pas parfait. noté, je vais le noter maintenant. Bon, Parfait. si ça te dit, Dis-moi. Yasmine, on prend le deuxième étage. On prend un appartement du deuxième étage, comme ça on est plus près. Tu as Hour Alibi? Non, moi pour l'instant j'étais pour, du coup vu la situation, dormir peut-être au l'arrière-salle du My Alibi. Temporairement, mais du coup je me réserve cet endroit. Bon, mais moi j'ai quand même loué un appartement, parce que j'avais fait tout déménager depuis Chinatown. Bon, Bref. Maintenant, il faut choisir ce qu'on fait. Donc, ce quoi on fait quoi? Ce quoi on fait quoi? Tout à fait. Oui. Il n'est pas bien anglais, lui. Je pense que... il me semble que Ruby avait une idée de... Oui, bon, après, oui, elle ça, nous avait exposé ça, l'histoire ça, du... Ça, c'est... on l'avait expliqué, mais... Oui, voilà. Après, on peut essayer de voir s'il n'y a pas des petits boulots à faire ou des petits contrats qu'on puisse faire pour, dans un premier temps, se faire connaître et faire un peu d'oseille. J'ai envie de dire, est-ce que j'essaierai pas de voir si j'ai pas des contacts qui ont des petits boulots pour nous ou des gens que je pourrais contacter, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour eux. C'est possible, oui. Tu peux, si tu souhaites un peu chercher là-dedans, tu peux faire un petit géant en contact. Et bien, j'ai fait 35 sur 35, c'est beau. Eh bien, pas mal. Eh bien, voilà. D'après tes connaissances, déjà, si on voulait avoir des bons plans à l'époque, tu sais qu'il fallait venir au Mayalibi. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus trop d'actualité. Plus tard, ce sera le hour, voilà. On viendra ici chercher des bons plans. Exactement. Mais il y a d'autres coins dans lesquels certaines personnes traînent. Tu sais notamment, par exemple, que dans le quartier de Little Italy, oui, juste en dessous de Arkham City, il y a un endroit qui s'appelle les Pizzas de Luigi. Oui. Qui est un endroit qui, de par son côté très folklorique ou quoi que ce soit, a toujours eu des petits liens avec ce qui était la mafia, des immigrés italiens aux États-Unis et tout ça. Mmh. Donc il y a toujours, même si aujourd'hui ce n'est plus la mafia, le groupe criminel le plus développé ou quoi que ce soit, tu sais qu'il y a toujours des gens qui y sont et que souvent il y a des opportunités. Okay. Voilà. Bah, du coup, bah, je vous en fais part. Voilà. Bah, écoutez, si vous voulez qu'on trouve des petits boulots, des trucs, on va dire, faciles au début, mais qui nous font gagner de la thune et nous feront connaître un petit peu, je vous propose d'aller dans Little Italy, de la pizza de Luigi. Ils ont des petits boulots faciles qu'on pourrait faire dans un premier temps. Si ça vous ou alors, j'ai juste souvenir que moi, voilà, faire Little Odessa. On pourrait essayer de voir là-bas aussi. Je sais, il y a d'autres clubs, tout ça. Je pense qu'on peut voir là-bas. Oui, après, je pense que tout est faisable. On sait qu'on a au moins deux ou trois endroits, deux quartiers où on peut trouver des petits boulots. J'ai peut-être une idée aussi à vous proposer. Oui. Si j'ai bien compris, au moins 3 personnes parmi nous avons fait déjà un séjour à Arkham. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de demander à notre cher ami hacker, du coup, de récupérer quelques informations? Notamment, par exemple, les plans de Arkham. Qu'on essaye de, comment dire, lier ça avec nos souvenirs personnels, les détours des gardes, etc. En plus, on n'était pas exactement dans les mêmes ailes. Et de fournir un petit guide d'Arkham qu'on pourrait vendre à des concurrents pour les aider, par exemple, à faire évader des alliés à eux, leur mettre en évidence les différentes failles, ce genre de trucs. Ou même pour faire rentrer des trucs à l'intérieur d'Arkham et faire du commerce clandestin. À moins qu'on veuille mettre ça en place nous-mêmes, mais ça peut être une bonne manière de nous faire des alliés ou de libérer de futurs collaborateurs, quelque chose comme ça. Mais je sais pas si c'est faisable ou si ça vous tente. Moi ça me tente et c'est faisable, mais il faut que vous m'ameniez vers l'immeuble de Arkham. Ouais, faudrait que tu puisses hacker les dossiers de... Oui, il faut que j'accède à l'antenne en haut, c'est tout. C'est fort probable que ça puisse se faire. Mais il faut que j'accède au toit où il y a des antennes et tout ça. Et comme ça, tout comme je sais que normalement ça doit tout relier, normalement, ou si c'est comme dans certains immeubles, qui ont des serveurs et tout ça, normalement c'est relié à ça, mais faut... si c'est pas relié à ça, il faut que je rentre dedans, dans Arkham. Pour implanter un malware pour pouvoir recevoir tous les plans et voir tous les dossiers d'Arkham, mais aussi les finances, si vous voulez. Ça paraît un peu compliqué, mais si jamais on arrive à les obtenir autrement ou se contenter de notre truc, ça peut être intéressant déjà. Moi, ça me dérange pas. J'ai toujours rêvé qu'il y ait un asile de fou. Ou alors on pourrait commencer à faire notre propre trafic de quelque chose. Je sais pourquoi pas. Drogue, prostituée, armes. Et je sais en ces moments, gamin se défoncer à crème chantilly, gaz. Donc. On achète plein gaz et on revend devant l'école primaire. Non, les étudiants en médecine. Ouais, et pas que, on pourrait faire... Non, il faut commencer tôt. Mais regarde, dans notre bar, on pourrait faire un truc comme ça, avec de l'alcool, et proposer aux jeunes qui veulent venir boire de l'alcool chez nous, et il peut y avoir un supplément de gaz. Ça non, alors ça, certainement pas. Moi, je peux vendre drogue, mais certainement pas alcool à mineur. J'ai des limites, monsieur. C'est pour ça que chez les Russes, vous faites ça souvent. Écoutez, c'est pas en vendant de la drogue et de l'alcool à des mineurs qu'on fera de l'argent. Ils ont pas de thunes, c'est pas porteur comme... J'ai plaisanté pour mineurs, mais je sais pas. Moi, je pense que business crème chantilly, on cambriole un petit Walmart, à la limite. Et tu sais, tu fais ma base sur le stock de crème chantilly ou de gaz. Et puis c'est du gaz tout public, c'est ce que toi tu trouves dans partout, tu pourrais commander ça sur Amazon, que tu peux, voilà. Tu comprends? C'est accessible partout, légal, et tu peux te défoncer avec. Honnêtement, je pense que ce business-là, ça ne va nous ramener que des emmerdes. Parce que si après il va y avoir des luttes de quartier pour avoir la main mise sur la vente, pour moi je pense que il faudrait en rester à une façade bien tranquille et faire des petits boulots, des choses, et au fur et à mesure on monte le degré au niveau des boulots, et pour arriver jusqu'au moment où ce que nous a proposé Ruby, et c'est tenter le casse au niveau du musée. C'est pour ça, moi je dis pas que je veux faire toute mon activité dessus, mais on achète un gros stock, on recrute 2-3 crampins pour vendre à la place, si jamais eux font connerie, voilà, et puis voilà, on a retour sur investissement, bling bling. Moi je peux changer faire ça. Je suis pas chaud pour ça, maintenant que vous voyez. J'ai une autre proposition, comme ce que je vous ai dit. J'ai fait tous les câblages. Il suffit qu'on ait des clients, qu'on arrive à amener des clients, et je peux piquer de l'argent sur leur compte en banque. Ça, c'est déjà mieux. Mais ils reviendront pas. Mais si, ils reviendront, mais ils savent pas d'où ça vient. Ils verront rien de tout ça. En fait... Le principe est de voler des petites sommes. Pas des grosses sommes, mais des petites sommes en grande quantité. Moi, je le fais déjà avec les riches. Regardez, j'ai pas eu de problème avec le FBI. Donc, tu sors pas de Arkham ? Moi ? Non. Je suis plus extra, mais je ne suis jamais allé chez les fous là-bas. C'est qui alors qui est chez Arkham ? J'en sors. Ah, t'es allé chez Arkham, Zoro, toi aussi. Ouais, j'ai eu le malheur de me procurer de la... des drogues psychoactives de l'épouvantail. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, probablement. Candy quoi déjà? Ah d'accord. Pas de la crème chantilly, d'accord, mais je comprends. Alors, mais je parlais à Zoro. Non mais on est bien d'accord qu'il y a deux choses différentes. Tu as Arkham, ouais. L'asile... Et après t'as la prison porte. Et moi, j'étais en prison. Ah, t'as été à Blackgate. Moi, j'étais à Blackgate. J'étais pas à Arkham. Ruby, elle a dit trop être à la Arkham. Oui, mais elle a... Elle a pas tout à fait compris, je pense. Non, justement, Arkham en général. Et l'idée, c'est qu'on est tous allés dans des ailes différentes. Donc, on a une vision plus globale de Arkham et Arkham. Du coup, c'est plus intéressant si on veut vendre des informations à et se faire d'autres alliés parmi les mafias du coin, leur fournissant des plans, des accès, des faiblesses et des contacts au sein même de la... soit de la prison, soit de l'asile, pour faire libérer des gens qui seraient dans l'un ou dans l'autre. Bon, honnêtement, Blackgate, faut pas chercher. Faut pas chercher. Blackgate, tu sors pas de Blackgate. À moins que d'avoir un char d'assaut, tu sors pas de Blackgate. Mais tu soudoies 2-3 gardes, tu rentres dans quelques égouts et je suis sûr qu'il accède à n'importe quelle cellule de Blackgate. Oh non. Bah, en tout cas, moi je vois un truc. Donc il faut faire petite tâche, mais il faut commencer à préparer grand coup. Donc un truc qu'il faut retrouver, c'est de trouver acheteur pour tableau et œuvre d'art. Parce attends que c'est un petit bien peu, beau. Je pense, non ? Attends, c'est bien beau d'avoir Picasso, mais moi un Picasso, je peux pas le vendre sur le bon coin. Donc, Darknet, c'est bien le Darknet. Ouais, non, mais même, c'est trop traçable. Moi, je veux vendre demain. Le Darknet est trop traçable. Bien sûr. Qu'est-ce que tout le monde y va, tous les 4 matins. Moi, les Darknet pour le petit déjeuner. Non, mais. Moi, j'ai acheteur, version classique. Voilà. Bien sûr. Après, je pense que avant de commencer à chercher du monde. Faut déjà faire un peu d'argent. Pour l'instant, on est à zéro là. Mis à part l'argent que le banquier nous a filé, c'est pas la joie. Donc déjà, faisons des thunes. Essayons peut-être dans un premier temps de faire l'argent nécessaire pour mettre le our alibi en bonne et due forme et présentable. Par la suite, peut-être penser à acheter. Ne serait-ce que un ou deux étages pour commencer du bâtiment pour pouvoir se poser et ensuite on pourra commencer à envisager tout ça, mais là on est dans un bouge, enfin, c'est un boui-boui hein, le or à la bille hein. Ça ressemble à rien. Et quand même à l'intérieur c'est magnifique. Écoute, Qui est intéressé pour venir avec moi faire un tour à Little Italy pour essayer de voir pour un des petits jobs et je reviendrai après avec et on reviendra après pour exposer les différents jobs qu'on a et on choisira par la suite. Bah, écoute, moi ça m'intéresse, moi, mais t'as des amis là-bas? Moi, ouais, j'ai une adresse où on peut trouver. Moi je propose faire même chose à Little Odessa. On m'a donné pareil, à donner adresse club. Pareil, je pas peux problème. Trouver. Bah écoutez, qui va à Odessa? Yasmine. Et toi, Marco. Ça marche. Tu fais quoi, JB? Bah, faut que je continue l'électricité et que je fasse mes prises pour pouvoir récupérer et qu'ils envoient des malwares dans les. Toi, tu restes ici pour me mettre et en place. Je suis à l'Italie. Ok, ça marche, on fait ça alors. Parfait. Allez, c'est parti. On s'échange, de toute façon, on a déjà tous nos numéros, nos trucs. Ouais, on a le portable. Parfait. Très bien, donc, nous allons vous séparer avec chacun sa petite mission. Cool, alors il y a juste Ruby que j'ai pas entendu ce qu'elle voulait faire. Je vais suivre PE. Dalio, ok. Très bien, alors du coup je vais d'abord voir du côté donc de Marco et Yasmine. Parce que c'est la zone la plus proche de toute manière, Little Odessa a l'avantage pour vous d'être au sein d'Arkham City. C'est dans la partie nord d'Arkham City. Donc il y a des gars qui toussent à Arkham City. et du coup... Coronavirus de merde. Exactement. Donc vous vous rendez sur place sans avoir à passer la frontière ou que ce soit, donc c'est là que c'est avantageux. Et vous vous rendez donc sur le fameux club dont tu avais entendu parler, Marco. Je ne sais plus si je t'avais donné un nom. Da Kremlin Club. Ah oui, Kremlin Club, voilà, parce que c'est des noms originaux. Très bien. Du coup, vous vous rendez tous les deux au Kremlin Club. Au club du Kremlin. Première chose que vous, dont vous vous rendez compte avant même d'arriver directement à ce club, déjà, c'est que Little Odessa a été nommé avec une certaine préférence pour une certaine nationalité, mais il y a l'air d'avoir vraiment un peu de tout en termes de slaves. Ils ont l'air d'être vraiment de tous s'entasser ici pour une raison ou pour une autre, pourtant ils s'entendent pas forcément tous ensemble, mais les quartiers c'est comme ça. Donc vous avez du russe, vous avez de l'ukrainien, vous avez des gens qui viennent un peu d'ex-Yougoslavie, de ce genre de choses, de Yougovia par exemple aussi. Ah. Donc vous avez un peu de tout ça, vous voyez quand même que les gens traînent quand même un peu en bande. Les voitures où ils ont leur petit drapeau de fierté de leur pays d'où ils viennent, ils sont tous dans la même rangée, il n'y en a pas un qui n'est pas du bon pays à côté parce que sinon ça se passe mal. Mais en tout cas ils arrivent à vivre entre eux sans aucun souci. Autre que ça. Donc vous arrivez au club du Kremlin. Et c'est un petit bar en fait qui vous rappelle vraiment le Mayalibi tel que vous l'avez trouvé. Mais en meilleur état évidemment, il n'est pas démonté, il n'y a pas des tables à moitié arrachées ou que ce soit. C'est juste que c'est vraiment un côté très rustique, très ancien, avec du bois, ce genre de choses. Vous avez juste au plafond une espèce de petite fresque avec une étoile rouge et des petites raies d'illumination et tout ça. C'est un peu folklorique, sans trop l'être. Et c'est un club qui a l'air d'être assez peuplé. Il y a pas mal de monde, vous remarquez. Ça a l'air d'être un des endroits centraux de la petite de Little Odessa. Et je vais donc vous demander, quelle est votre approche? Justement. Alors, avant, je vais briefer Yasmine. Parce qu'il faut savoir deux choses. On insulte personne et on se bat avec personne, sauf les Rugariens, parce que ça peut être des personnes, ok? C'est pas ok. Donc si jamais toi tu croises gros tas de merde qui pue, c'est Rugarien, donc là il faut commencer, mais ok? Donc ça c'est comme ça. Et ensuite, je vais parler un peu yougovien. Mais je traduirai pour toi, et puis voilà, on essaye de trouver boulot, mais il faut être fier et il faut être fort, parce que c'est comme ça que ça marche, ok? Parfait. Donc on va accoster barman, demander verre de Radija, et puis demander s'il peut savoir si... connaître personne qui avoir travaillé. Ah bien, d'accord. Donc, vous approchez du barman, le barman qui est un espèce de colosse, une espèce de mec qui doit faire 2 mètres de haut, quelque chose comme ça. Vous avez l'impression qu'à une époque, il a dû être musclé. Aujourd'hui, c'est plus surtout de la corpulence, du gras ou quoi que ce soit. Il a pris beaucoup de poids. Mais vous voyez qu'il y a eu une époque où il avait été... très en forme, il a une espèce d'énorme barbe et il a les cheveux extrêmement courts, mais il a sur sa tête, sur le haut du front, juste un symbole qui est tout simplement l'aigle russe, si vous le connaissez. Il a sur le front tatoué, mais sinon il est habillé de manière absolument normale et sur ses bras d'autres tatouages que vous n'avez pas spécialement le temps d'analyser. Vous lui demandez donc s'il a du boulot après lui avoir demandé un verre. Il vous regarde un petit moment en nettoyant. Et il dit « Je vous ai jamais vu dans le coin ?»« Non, je viens arriver avec un collègue pour faire l'American Dream Business, tu vas le voir. » Il y a un mec au fond qui est bourré. Sans doute être fils de pute de Rugaria. On m'en parle pas. Bon, du coup, il me regarde encore un petit moment. Je vais vous demander à tous les deux un petit jet de crédit. Oui, c'est crédit dans ce jeu-là. C'est standing, voilà, c'est pas crédit, c'est standing. Standing. C'est ça. Bah, j'en ai pas. Yes. Oh, merde. Très bien. Pas de soucis. J'ai fait 82 sur 30. Ça passe. Peut-être. Attendez. J'essaye de. Après, c'est inversé de chiffres, ça fait 28. Ok. On est bon. Donc. Du coup, il vous regarde encore un petit moment. Vous voyez qu'il vous toise un peu de la tête aux pieds. Il vous dit ouais, il y a peut-être des petits trucs. Vous pourriez aller voir là à la table 6. A priori, il y a des gars qui cherchent des gens pour faire un peu ceci et cela. Merci. Vie. Bon bah du coup on va aller les voir. Donc vous vous écartez un peu, vous avez un peu du mal à avancer, il y a beaucoup de gens qui discutent un peu debout, qui passent d'une table à l'autre, a priori tout le monde a un peu l'impression de se connaître en tout cas. Même s'il y a certaines tables où c'est pas les mêmes personnes qui visitent, enfin bref, il y a toujours cette idée un peu de différenciation entre les nationalités, mais tout en vivant les uns à côté des autres. Donc c'est un peu étrange là. Comme situation, mais vous arrivez à avancer au milieu de tous ces gens et vous arrivez à la table que vous pensez être la table 6, parce qu'au final il n'y a pas de numéro sur les tables, vous comptez juste et vous vous dites bon bah, c'est peut-être la 6 en fonction de l'ordre dans lequel on compte. Et vous arrivez face à trois gars qui sont assez jeunes a priori. Il y en a le plus jeune, il doit à peine avoir 18 ans, mais le plus vieux il doit avoir quelque chose comme 29 ans, peut-être 28 ans, quelque chose comme ça. Ils sont habillés un peu en jogging, ce genre de choses, tenue un peu de sport, quoi que ce soit. Ils sont en train de partager un verre. Ils vous voient approcher. Vous voyez qu'ils s'arrêtent un peu de discuter, et puis qu'ils vous regardent dans les yeux, comme s'ils s'attendaient du coup à ce que vous engagiez la discussion. C'est Brigitte. Je me présente. Vous pouvez m'appeler Michel. Je suis mon associé avec moi. Nous cherchons du travail, nous sommes arrivés récemment en ville. Personne ne nous a vous recommandé. Pour répondre à votre question. Enchanté, oui. Oui, évidemment. Allez-y, installez-vous. Je suis Léonide. Ah, Léonide, ravi Léonide. Michel. Ah bon. Quel genre de boulot vous cherchez? Oh, n'importe quoi, écoute, mais on n'est pas petite frappe non plus, mais genre, si toi, besoin superviser livraison, je sais pas moi, dette, est-ce que tu dois superviser récupération de dette, ou je sais pas quoi, ou péter, enfin tu vois ce que... Je sais pas. On est très pas à la volant. Bon, nous on n'est pas de ce genre-là, ou en tout cas on vous connaît pas spécialement, donc on n'est pas de ce genre-là. Mais si vous voulez faire du boulot, quelque chose, nous on a une entreprise, on a une petite entreprise. Plomberie, bâtiment, tout ça. Si vous voulez travailler, on peut vous faire travailler. Si vous voulez, on a des tracts aussi à poser sur le marché pour entreprise. Non, j'ai dit nous, pas petite frappe, tu vois. Ouais. Nous, être un peu plus compétents. Et je sais que... Je sais. Tu ne peux pas connaître moi, mais je peux t'assurer que je peux faire plus. Ouais, comprends-moi, vous êtes nouveau. On vous a jamais vu. Si je vous donne vrai travail, ou si j'ai vrai travail à donner, ce qui n'est pas forcément le cas, Ça peut poser problème. On sait pas de qui vous venez, et en ce moment, c'est compliqué. Il y a la sécurité, la nette sécurité, qui cherche à trouver les gens qui travaillent, qui ont la vie difficile, ils les cherchent. Justement, déjà, je peux dire que moi, j'ai green card et tout, il n'y a pas de problème. Donc déjà, je peux passer checkpoint, tu vois, je suis pas obligé de passer, contourner ou quoi. Mmh. Donc, ça peut être livraison aussi, tu vois, par exemple. Good. On va proposer un petit travail. Rien d'étrange, rien d'alarmant, mais vrai travail. On a demande livraison de quelques colis à Chinatown, Maison Rouge. Ok. Si ça t'intéresse, on va faire ça rapidement, vu que tu peux passer la frontière, ça peut se faire facilement. Après, il faut pas décevoir, il fouille à la frontière. Ouais, ça je sais. Par contre, ça veut dire que je dois prendre précaution particulière pour Cory. Sans me dire ce qu'il y a dedans, je ne vais pas savoir, bien sûr. Mais précaution particulière au niveau transport, quoi. C'est des petits paquets, ça peut tenir dans deux mains. Mais il y en a une dizaine. Ok. Ok. Alors j'ai peut-être solution. Très bien. Alors, si ça t'intéresse, on peut se mettre directement au travail. On va faire ça. Très bien. Tu vois qu'ils se lèvent de table, les deux autres restent à table, a priori, ils continuent à boire. Et du coup, Léonide vous invite à le suivre. Il sort, il se dirige vers la sortie du club du Kremlin. Il s'arrête devant une des voitures qui était garée devant. Qui a un drapeau ukrainien. Et il vous dit attendez là deux minutes, je m'occupe de ce qui a à s'occuper. Ok. Je vais chuchoter à Yasmine, je vais regarder. Yasmine. À tout hasard, toi déjà fait plonger? Oui. Oui, bien, super. Après un petit temps, vous le voyez revenir, il s'était un peu engouffré dans le coffre d'une des voitures. Il arrive avec un sac de sport, qui est Adidas. Et il vous le pose devant vous. Et il vous dit, maintenant on va mettre chose au clair pour rester en contact. Vous avez un numéro portable jetable? Da. Très bien. Du coup, vous échangez vos contacts, ce qu'il y a à faire. Il vous dit donc, en cas de souci, vous m'appelez à ce numéro-là. On verra ensuite pour se revoir après. De toute manière, j'aurai confirmation avec Chinatown, Maison Rouge, si vous avez bien livré. Je compte sur vous. Qu'il n'y ait pas de souci. Pas problème. Voilà. Si vous faites bien le travail, on aura meilleur travail. Quel délai pour livraison? Le plus rapidement possible. On n'est pas loin Halloween, avant Halloween. Dans la semaine. Ouais, parfait. Très bien. Très bien. Ravi de faire affaire avec vous. Ravi. Au revoir, Léonide. Au revoir. Il rentre dans le Kremlin, dans le club du Kremlin. Le Kremlin Club. Et je vais vous demander, est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous voulez essayer de chercher encore un autre petit truc dans le Kremlin Club ou... Oh, j'ai complètement zappé. Je vais retourner voir Barman et ensuite Léonide. Okay. Yasmine, tu me laisses tranquille? Yeah, ok. Merci. Yasmine, tu dégages? Complètement oublié. Je suis désolé, ça fait très flic, mais moi, votre cousin qui est installé ici il y a quelques années, puis il a quitté Yougovia et plus jamais réponse pour rien. J'ai photo de lui. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Il s'appelle Hélène Fetissov. Ça vous dit quelque chose ou pas? Tu demandes au barman là, c'est ça? Oui, au barman, et puis ensuite à Léonie. Tu vois que le regarde, tu vois qu'il regarde, il te regarde un peu, il regarde de nouveau la photo. Tu te rends compte que ça fait peut-être un peu bizarre de dire je suis pas flic ensuite de sortir la photo d'un type que tu cherches, mais. Bon, il te regarde un peu, il a l'air de réfléchir un peu, il fait. Il me dit quelque chose. Je sais pas d'où, je sais pas s'il venait souvent. Il a dû peut-être venir un peu. C'était il y a quelques années, c'était il y a 2 semaines, c'était... Ah, il y a quelques années, ouais, je crois. Enfin, peut-être il y a quelques semaines, je sais pas. J'ai lui parti de Yougovia parce que tu vas te connaître le problème là-bas. Bref, ouais. Et plus jamais nouvelles. Je vois. Il avait business de supermarket. Ah, c'est super petit. Et épicerie, enfin, plus tu vois, genre... Oui. Je vois. Je crois que ça me dit quelque chose. Je peux te conseiller d'aller voir Milo. Milo, oui, il est dans l'arrière-salle, mais je peux te laisser passer 2 minutes. Juste reste pas très longtemps parce qu'ils ont des choses importantes à discuter. Tu demandes Milo de ma part et il va venir discuter avec toi, pas de soucis. Oh, écoute, peut-être que je peux faire ça un autre jour s'ils sont occupés aujourd'hui. En tout cas, ils sont toujours occupés, mais... Ah, je sais pas. Tu peux faire ça vite, s'il n'y a pas de soucis, pas de complications. Il connaît tout le monde de toute manière, avec supermarché et tout ça, il faisait le liaison. Ah bah super, alors écoute, si jamais tu me dis ça, ok, on va voir ça. On fait ça maintenant. Du coup, tu passes un peu à l'arrière, il t'ouvre une petite porte, tu passes à l'arrière. À l'arrière, tu vois que c'est des couloirs, il y a plusieurs petites pièces, et il y a un type en plein milieu du couloir qui fait un peu barrage vers toutes les autres petites pièces qui est à l'arrière. Un gars un peu baraqué, sans aucune pilosité faciale, mis à part ses sourcils. Il a les bras croisés comme ça, il te regarde, avec une espèce de t-shirt un peu de marin ou quoi que ce soit, il te regarde et il fait... Y a un souci ? Eh non, pas problème, c'est le barman qui est recommandé voir vous, car moi je cherchais une personne à Gotham. C'est mon cousin, je sors la photo. Lui parti Yougovia plusieurs années, lui jamais revenu, jamais réponse ou quoi, enfin... Je voudrais s'y retrouver, il a une supérette de ce que je sais. Il s'appelle Hélène Fetissov. Ok. Ça doit dire quelque chose? Non, supermarché, photo. Moi, ça me dit rien, mais si on t'envoie à l'arrière, c'est pas pour discuter avec moi. Je fais juste les passages, moi. Ah, c'est pas toi, Milo? Non, désolé. Je sais, ça peut être compliqué, mais non, c'est pas moi. Eh ben, il est où, Milo? Milo, il est dans une de ces pièces là-bas, mais il faut que je te fouille d'abord. Ah, pas de problème. Donc, du coup, il te fouille un peu, il regarde ce que t'as. Tu n'as rien sur toi, 2 minutes. Ouais, il me semble que tu n'as rien de particulier sur toi, sauf si tu me dis le contraire. Non. On n'a pas encore acheté armes, on n'a pas encore acheté trucs et tout. Là. Il te fouille un peu, puis après, il te regarde, du coup, il fait bon. Tu vois qu'il se tourne un peu, il ouvre une des portes et il fait Milo, il y a quelqu'un pour toi. T'entends des gars qui parlent dans une espèce de langue, tu penses que ça doit être du slave ou un truc comme ça. Enfin du slave, du slovaque. Oui, du slovaque. Voilà, du slovaque. Tu vois qu'il y a un type du coup qui sort, un peu âgé, avec une petite barbe, il est un peu grisonnant, il n'est pas très grand, pas très musclé non plus. Mais tu vois par la manière dont il marche et tout ça que il a une certaine assurance, en tout cas il se prend... Peut-être qu'il n'est pas n'importe qui, en tout cas il ne se prend pas pour n'importe qui. Il sort, il arrive vers toi, il fait « Bonjour, c'est moi Milo. » Bonjour Milo, je me présente, je m'appelle Michel, et je viens arriver à la Savant Cotin, et je suis à la recherche de mon cousin. Lui être arrivé il y a quelques années, avoir la supérette, et plus jamais courrier répondu ou quoi, plus aucune nouvelle. Ça arrive. J'ai photo de lui, il s'appelle Elal Fetisov. Je vous montre la photo. Est-ce que ça doit dire quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, faut juste que je vérifie. Il me souvient quelque chose d'intéressant. Ouais, pour commencer, je suis toutes mes condoléances. Hein. Quoi? Ah bah après, je ne sais pas s'il est vraiment kaput, mais en tout cas, il a disparu. Je travaillais un peu avec lui, j'allais le voir, je faisais liaison avec d'autres personnes. Je faisais la liaison. Et il a disparu, il est jamais revenu au travail. Que ce soit vrai travail ou travail. Non. Et lui voit le problème d'être voisin rougarien, je sais pas. Pas que j'ai entendu parler, mais il travaillait avec un groupe qui un groupe bizarre. Il y a eu un comment on appelle ça, un drame, une affaire médiatique à propos de ce groupe. Peut-être qu'il est tombé avec eux, je sais pas, mais en tout cas j'ai jamais entendu parler de ça. C'était il travaillait pour un baron. Le baron. Ouais, un baron, je sais plus, avec un nom de jour de la semaine. Un nom de jour de la semaine, il était quelque part. Par là, il travaillait un peu pour lui, c'était avec. Je faisais la liaison. Il y a une histoire avec les burgers. Les burgers? Oui, problème médiatique. Toute la presse en parlait avec les burgers. C'était quelque chose de terrible. Je me suis pas spécialement intéressé à ça, mais il était un peu lié à ça de loin, mais un peu. Peut-être qu'il est tombé avec. Oh merde. Oh. Hey, et toi pas. Ah, faut que je cherche. Ah putain. Ah ça, je suis sur le cul là. J'étais même pas. Et je croyais que moi j'allais faire business avec cousin. Oh la vache. Et peut-être caché, ça arrive de se cacher comme ça, surtout de nos jours. Le baron il travaillait beaucoup avec le Kingston District. Ah, c'est le Bob Marley City. C'est ça, exactement. Okay. Donc peut-être, peut-être il se cache là-bas ou peut-être qu'ils peuvent te mettre en contact avec le baron. Ou avec des gens du baron pour qu'ils te donnent plus d'informations. Mais en tout cas, les ponts ont été coupés avec moi. Bon, très bien. Bon, en tout cas, Milo, je te dis merci beaucoup. Moi, devoir service à toi. Je suis nouveau copropriétaire de My Alabi. Renommé Araribi. Donc, si toi as besoin de quoi que ce soit, toi, pas hésiter. Je suis là-bas avec une personne très compétente. On cherche travail d'ailleurs. Mais enfin, là, j'ai un petit travail. Mais voilà. Merci beaucoup, Milo. Oh la vache. Bref, il faut que je me achète une bouteille pour remettre ça. Parce que là, si jamais. Enfin, bref. Non, faut pas perdre d'espoir. Je crois que tu as raison. Oui. Ah, je veux bien connaître, lui et moi s'être caché pendant 5 ans dans la forêt, pendant guérilla, mais c'est. Je pense qu'il est peu qu'à faire la même chose ici. Alors. Bon, bref. Plaisir de travailler avec toi, Milo, si jamais. Au revoir. Ouais, à bientôt, bonne continuation. Et du coup, tu requittes les lieux, tu rejoins de nouveau Yasmine. Et si vous permettez, je vais vous laisser. Et aller rejoindre Paul-Edouard, Ruby Parks et Ruby Parks. Donc, de votre côté, vous êtes parti rejoindre la petite Italie. Little Italy, un petit quartier qui est au sud d'Arkham City. Donc vous avez dû, encore une fois, passer par la frontière. Ils ont fouillé le véhicule. Ils vous ont fait la remarque que... Je vous passe un peu vite fait, parce que bon, au bout d'un moment, on s'y habitue hein, au truc des frontières. Vous le faites quasiment tous les jours maintenant, l'aller-retour. Et ils vous ont fait la remarque que bientôt, il allait avoir un nouveau formulaire. Donc il allait falloir se réinscrire de nouveau pour avoir le droit de passer la frontière. Il allait falloir avoir de nouveau des papiers à faire, quoi que ce soit. Donc voilà, que pour l'instant, les attributions, l'autorisation que vous avez va pas durer plus que la semaine, quoi. Normalement, okay. En novembre, ça change. Ok. Voilà. Donc vous passez. Vous arrivez en petite Italie et vous vous rendez très rapidement à la pizza de Luigi. Qui n'est pas loin en plus de l'entrée directement de la petite Italie depuis Arkham City. Mm-hmm. Donc vous y rendez tous les deux, Paul Edouard et Ruby. Et première chose que vous remarquez, c'est que la pizza de Luigi, c'est une pizzeria restaurant. C'est-à-dire qu'il y a, un côté un peu pizzeria qui mène directement sur l'extérieur, qui balance les pizzas aux livreurs et tout ça. Aucun souci. Et il y a une autre entrée à côté qui amène à un restaurant. Mm-hmm. Je vais vous demander du coup quelle est votre approche, quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous voulez, à qui vous voulez parler. Bon, on peut peut-être commencer par rentrer, commander un truc. Comment t'aurais fait toi? T'as plus d'expérience que moi, donc. Bah, moi, après, est-ce qu'on part du principe que mes contacts, ils m'ont genre donné un nom, je te demande machin ou demande truc, ils sauront si tu fais ça, tu vois, genre. J'imagine, hein, que c'est comme ça qu'il fait. Il dit, ouais, si pour ça, tu demandes un tel ou un tel, et puis ils sauront que c'est pour un job, quoi. En effet, tu as entendu parler de quelques noms. Qui traînerait un peu dans le coin et qui serait toujours à la recherche de gens pour faire des coups un peu fructueux de temps en temps. Mm-hmm. Dont notamment la personne que tu sais qui est là le plus souvent, c'est un certain Antonio. Antonio Luminari. Ouais, bah du coup, je m'avance au niveau du comptoir. Et du coup, je lui dis écoutez, on aimerait parler à Antonio Luminari. Donc le type qui est en face de toi, du coup, qui est un gars qui est vraiment, vraiment looké à la cliché d'Italien qui vit aux États-Unis. Après, bon, c'est sûrement pour la marque aussi hein, du restaurant. C'est pas peut-être que dans sa vie de tous les jours, il s'habille de manière un peu moins cliché, mais en tout cas pour le restaurant, il est comme ça. Ouais. Il te regarde un petit moment et il te dit, ouais, bah si vous voulez lui parler, il y a pas de souci. C'est de la part de qui? De Pi Thompson. Mm-hmm. Bah ça peut se faire, d'accord. Ça peut se faire. Attendez là 2 minutes. Ouais, y a pas de souci. Vous voyez que du coup il va s'adresser à un autre gars qui a travaillé lui aussi dans les lieux. Il lui parle 2 secondes. Il lui passe son espèce de tablier qu'il a. Et il revient vers vous, le même gars auquel vous avez parlé, et il vous dit « Très bien, on peut aller discuter à une table. » Ok, bah je suis, hein. Du coup, vous le suivez, vous allez vous installer à une petite table qui est un peu à l'écart de tout des autres tables. Mm-hmm. Et il s'installe, et il vous fait signe de vous installer vous aussi. Il dit « Bon, alors c'est quoi le souci ?» Oh, il n'y a pas de souci, en fait. On cherche savoir si vous avez pas des petits boulots à proposer en ce moment. Du boulot à proposer. Je vais vous demander à tous les deux, à vous aussi. Pas comme pizzaiolo, hein. Un petit bien en standing, s'il vous plaît. Tous. Enfin, tous les deux. Pas tous, parce que sinon ce serait pas de bleu. Et là, même les gens qui sont pas là, ils font du standing. Exactement. Exactement. Oula, 77, donc c'est pas ouf. 66, je pense pas que ça passe. Ouais, en effet, ça ne passe pas. Et pour Paul Edouard, Non plus, j'ai 30. Hein. Pas non plus, ok. Du coup, il vous regarde un peu, il vous fait... Je suis désolé, mais on n'a pas... On n'a pas du boulot adapté aux gens comme vous pour le moment. C'est-à-dire, c'est trop sérieux pour nous, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, j'ai bien peur que ce soit le cas, en effet. Mais vous sauriez pas où on pourrait trouver des boulots adaptés pour nous? Non. Ok. Vous êtes occupé à ce point? Qu'est-ce qui se passe? Le monde de la restauration, c'est compliqué. Hein. Est-ce que je me rappelle un peu des noms avec qui je bossais avant? Dans des noms bien connus de... Genre, pas forcément un nom super connu. Que forcément tout le monde pourrait citer parce que ce serait trop facile, mais un nom, genre un subalterne, mais qui quand même a un peu de... Voilà, et c'est bien, assez connu pour... Voilà. Je n'ai plus de nom là, comme ça, en tête, j'ai Froge, j'ai... Je suis pas là, hein, mais il y a Patrick ou Chipolata, par exemple. Ouais, mais Patrick... ouais, si, je pourrais dire Patrick, mais... Tu peux la tenter. En tout cas, moi, ce que je vais te dire, c'est que je vais te... Alors, est-ce qu'il y a vraiment une compétence qui correspond à ça, ou est-ce que je le fais moi de mon côté? Deux secondes. Techniquement, ça compte un peu toujours comme contact, on va dire. Fais-moi encore un jet de contact, on va dire, voir si tu as connu une personne dont tu pourrais name drop, que tu pourrais... qui pourrait t'aider. 37, putain. 37 sur 35. J'utilise deux points de chance. en effet, les seuls noms qui viennent en tête là, c'est Frost, c'est Patrick, Patrick O'Malley. Écoute, je vais tenter le Patrick, on verra bien. Ah, vraiment? Oui, si tu veux. Mais après, il y a un autre nom que tu pourrais name drop si tu voulais. Ouais. Ce serait celui de Martia Falcon. Je vais le dire. Que tu avais connu au final. Mais il faut savoir, en fait, de tous les noms que tu as, il faut savoir lequel choisir parce que techniquement ils sont tous dangereux. Ben, disons que Martia Falcon, comment dire, c'est elle qu'on a, enfin, indirectement zigouillé de souvenir. Oui, votre travail ensemble ne s'est pas terminé de la meilleure des façons. Écoute, je vais lui dire ça tous les noms. Je dois citer techniquement. Oui, non, c'est sûr. Écoute, je vais lui dire. Et si je, alors, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu. J'ai eu la malchance de finir à Blackgate pendant quelques années. Mais j'ai bossé pendant un temps. Bon, t'as dû la connaître, hein, je pense, avec Martia Falcone. Je vais te demander un petit jet, si tu le veux bien. De course. De force brute, là. Non. Un petit jet de. Alors attends, deux secondes. Techniquement, ouais. D'autorité, si tu veux. Non, c'était de psychologie, mais je vois que tu as zéro en psychologie. Donc ça peut marcher. Tu me dis ça. Donc je ne peux pas faire. Ruby Parks, si tu veux faire un petit jet toi aussi, vu que tu es dans la discussion, tu peux faire un jet en psychologie si tu en as. J'en ai. Tu regardes avec les yeux comme ça. 57 sur 25, c'est malheureusement un échec. Et moi, j'ai rien d'autre à aligner que ça. Genre un nom et puis je peux rien faire avec mon V. Sinon, moi, j'aurais une autre proposition éventuellement, Kame. Batman, si jamais. Mais j'attends de voir si c'est un échec ou pas. J'ai bossé avec Batman. Oui. Du coup, vous le voyez un peu. Tu vois, il est resté un peu immobile un moment. Si vous n'avez pas su vraiment déchiffrer son visage ou l'impression que vous pouvez avoir, et il disait. Elle n'a pas duré longtemps et de toute manière, elle n'était pas plus prometteuse que ça. C'est vrai. Mais bon. Mon patron m'avait demandé de bosser pour elle, alors ma foi, je l'ai fait. Mmh. Je connais pas beaucoup de gens qui se sont mis du côté de cette nana. Oui, mais c'était qui ton patron? C'était business. C'est Patrick. Patrick. Patrick. Patrick, Patrick. Vous savez qu'on a pas mal, on a pas mal d'Irlandais quand même à Gotham. Alors j'ai plus son nom, si tu peux me le rappeler parce que j'ai plus. Et O'Malley. Patrick O'Malley. Patrick Alors des O'Malley, il y en a beaucoup aussi des Irlandais. Ah, il y en a pas. Ah ouais, Patrick O'Malley, je vois, je vois. Je savais pas qu'il s'était mis avec la nana à une période. Oh, il s'est pas mis avec la nana, mais vous savez, enfin, on peut se tutoyer, hein, mais. Non, je pense pas, non. Bon, bah alors, si vous voulez, mais le business, c'est le business. C'est comme ça, genre. Ouais. Écoutez. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis ça parce que vous avez l'argentie, vous avez l'air en difficulté et vous avez la petite nana à côté là, bon. Bon, je vais pas vous mettre en danger quoi que ce soit, je vous dis juste évitez de prononcer ce nom-là, en tout cas n'importe où. Il y a des gens qui ont mal vécu ce que lui et ses potes ont fait. Je sais. Voilà, je sais. Bon, vous avez de la chance que j'étais pas spécialement là à l'époque, mais donc j'ai eu aucun souci, mais évitez juste. Mais non, vous aurez pas de boulot de ma part en citant des noms de gens qui ont prouvé ne pas être dignes de confiance. Écoutez, c'est pas grave, tant pis. Mais bon, je pense qu'on aura. Envoyez-nous chez la concurrence. Non, mais c'est pas grave, mais quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de se revoir. Allez, bonne soirée. Et une pizza 4 fromages supplément pepperoni, s'il vous plaît. Ah, pour ça, il faut aller voir le pizzaiolo. Moi, je suis serveur dans la section restaurant. Ah, je me barre. Mais je me barre, genre, je suis avec un air renfrogné. T'inquiète, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être un gars un peu bizarre qui pourrait nous trouver du travail. Tu me feras penser à noter cet endroit. On s'en occupera plus tard. Pourquoi tu veux le brûler? C'est pas possible, ouais. Ah ouais. Génial. Du coup, très bien. Du coup, j'aimerais, Kem, si jamais tu m'autorises, à moins que tu veuilles passer à un autre groupe avant. Non, l'autre groupe, il a l'air occupé pour le moment. Ok, bah. J'aimerais envoyer un message au docteur Cork, qui était donc psychiatre à Arkham. Pour lui dire si ça, on pourrait avoir un moyen de se voir à l'occasion. Et tandis qu'on va se payer une pizza dans une autre pizzeria, je raconte du coup à Pi, je sais pas si t'as connu du coup, vu qu'a priori toi t'étais pas vraiment dans le même département, enfin on n'était pas enfermés dans les mêmes endroits, mais j'ai une carte qu'on peut jouer, c'est celle de ce docteur qui était au moins aussi fou que les patients qu'il traitait et qui prenait un malin plaisir à les maintenir et à les faire couler encore plus. Sait-on jamais, il y a des rumeurs sur lui qui tournent, peut-être qu'il pourrait nous donner un petit truc à faire. Il paraît qu'il brasse pas mal quand même ici et là avec différents deals. Mais c'est peut-être que des rumeurs, ça se trouve, il est fauché comme d'hab. C'est qui ça? Un psychiatre d'Arkham, le docteur Cork. Écoute, pourquoi pas, de toute façon, on a besoin de thunes, alors tous les bons plans seront bienvenus. Et puis bon, vous avez été deux à y faire un tour, vous aurez peut-être vos entrées. Là? Yes, et puis bon, si je me souviens bien, il m'appréciait bien normalement. On s'entendait plutôt. Donc bon. Il me doit bien ça, j'imaginais. Sûrement. Du coup, tu veux contacter ce cher monsieur Cork? Ouais. Très bien. Bon, du coup, je pars du principe que tu avais gardé son numéro de téléphone et tout ça, donc tu peux l'appeler sur le moment. C'est ça. Et j'avais entendu dire qu'il était adepte des drogues psychoactives, donc je vais aller m'en procurer dans une ruelle un peu louche dans le but de lui en apporter si jamais ça l'intéresse. Très bonne idée, très bonne idée. Du coup, pendant que tu pars à la recherche des fameuses drogues, tu le contactes. Et il finit par te répondre au téléphone. Après un petit moment, tu as besoin de l'appeler deux fois avant qu'il te réponde. Mais il te répond, il te dit « Oui ? Allô ?»« Allô, Dr. Cork ?»« Oui ?»« Ici Ruby Parks, à l'appareil. J'aimerais discuter avec vous en tête-à-tête. Comme vous le savez, je suis sorti d'Arkham il y a quelques semaines, mais je pense que j'aurais bien besoin d'une thérapie privée avec un ami à moi, qu'on puisse vous parler un petit peu de nos vies actuelles. Juste, bon, tout va bien, mais bon, voilà, juste histoire de... Ouais, ouais, tu sais, je ne fais pas spécialement les thérapies de couple, Ruby. Non, rien à voir. Ah, je plaisante, ne t'inquiète pas. Il y a un endroit... un endroit tranquille où on pourrait psychanalyser tout ça. Tu connaissais le MyAlibi ? MyAlibi, non, ça me dit rien de particulier. Bah, je t'envoie l'adresse, il paraît que ça a été renommé récemment en Our Alibi. Bah, du coup, tu peux y aller quand tu veux, on t'y retrouvera. Ouais, très bien, avec plaisir. Pas trop fréquenté en ce moment. Oui, juste une question, tu suis bien ton traitement ? Oui, bien sûr, j'amènerai tous les médicaments avec moi, tu pourras vérifier ça par toi-même. Eh bien, très bien, parfait. Tu sais, il faut que je fasse attention quand même, j'aimerais pas que tu nous retombes dans les pattes. Ah non, jamais, de toute façon tout va mieux, c'est juste histoire, par précaution. Très bien, bon, je te retrouve au plus vite, peut-être pas aujourd'hui, mais au plus vite sur place. Je te dirai quand je passerai. À bientôt. Eh bien, c'était au courant. Et il raccroche. Parfait. Il faudra qu'on achète une bouteille et quelques jus de fruits pour le MyAlibi. Du coup, bon, je pars du principe du coup que vous allez vous procurer tout ça, en tout cas que vous partez pour chercher tout ça. Et ouais, je vais... on achète 3 bouteilles, un pack de bière, ça fera les réserves. Et je vais passer du côté de Jean-Baptiste McO'Neill. Donc, de ton côté, tu es le seul à être resté au sein du Our Alibi. Les autres sont partis chercher un peu de boulot, histoire de se faire un peu d'argent, de se faire connaître au moins de nom. Ce qui peut toujours être bon. Toi, de ton côté, dis-moi ce que tu prévoyais de faire au sein du Our Alibi. Moi, je vais continuer l'électricité, faire tu sais, les petites prises dont je t'avais parlé avant et tout ça, à moins qu'elles soient déjà faites. Les prises pirates, là, tu les avais pas encore faites. Je vais te demander... un petit jet de toujours d'informatique, ça sert un peu à ça, et ensuite je te demanderai un petit jet d'artisanat pour voir comment ça se passe. Déjà au moins pour faire le petit malware informatique, c'est parti. J'ai fait 10 en malware informatique, mais en artisanat, okay. C'est une grosse merde, donc du coup ça va être rigolo. En tout cas, du coup, en informatique, tu t'es mis au boulot, c'est pas la première fois que tu fais cette espèce de petit malware ou avec une petite connexion où tu peux essayer de choper des choses. Là, et tu pars du principe que ça devrait être efficace. J'ai fait 34, mais je sais pas si j'ai artisanat. Attends. Artisanat ? Tu n'as pas d'artisanat. Donc tu fais ton espèce de petit malware, ton espèce de petit truc informatique, tout ça, pour mettre derrière une prise, comme ça, quand les gens se branchent pour se charger de quoi que ce soit, ça fait la connexion avec le téléphone ou avec l'ordinateur s'ils en amènent ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que tu n'as aucune idée de comment faire ça de manière assez compacte pour que ça rentre derrière une prise. Tu n'as aucune idée pour que ça s'intègre bien à la prise, pour faire la connexion entre la prise et ça. Ok, et bah je vais prendre des tonnes de papier. Voilà, t'essayes quelques trucs et ça ne marche pas. Sur ce point-là, tu es bloqué. Donc je vais prendre des papiers blancs et je vais dessiner des trucs et je vais essayer de faire des trucs de mathématicien pour pouvoir faire un truc qui pourrait concorder avec ce que je veux faire, mais je lâche un gros de pute que ça ne fonctionne pas. Pardon, on va juste faire un bip parenthèse sur YouTube. Très bien. Du coup, bon, oui. tu t'énerves un peu sur ta propre incompétence dans le domaine de l'utilisation de tes mains. Et donc, t'attends un feu. Enfin, tu essayes de bosser un peu, de trouver de quoi faire ton petit projet. Et c'est là que tu entends, depuis l'arrière-salle où tu es en train de faire tes petites machinations, tu entends la porte du du Hour Alibi, la porte d'entrée, celle par laquelle on passe par les clés, tout ça, qui s'ouvre. Je vais voir. Tu sais, je me mets mon stylo, tu sais, j'ai un truc comme un peu comme un barman, tu sais, je suis pas habillé comme un gros toxico. J'essaie de cacher mes yeux. J'essaie de bien mettre mes yeux comme ça pour éviter qu'on me... Voilà. Et je ferme bien la clé. Tu te présentes, donc, tu te présentes à eux, tu te mets devant eux, tu fermes la porte. Et tu es face à deux personnes qui ont l'air assez jeunes. Ils ont l'air d'avoir la vingtaine, entre peut-être 25, 26 ans, un truc comme ça. Et c'est un homme et une femme qui ont un profil assez atypique. Tu le remarques immédiatement parce que, par exemple, pour te dire, l'homme, de son côté, donc, a le crâne rasé, les sourcils rasés, il a aucune pilosité faciale. Et il s'est tatoué, en gros, de manière à ce que sa tête soit un crâne. Un crâne, il a une veste ouverte avec rien du tout en dessus, aucun t-shirt ou quoi que ce soit, il a d'autres tatouages dessus, il y a des espèces de petites traces de cicatrices, des petits pansements un peu partout sur sa peau. De son côté, la femme qui est à côté, elle a aussi un côté un peu atypique, hein, peut-être un peu moins volontairement dans la contre-culture ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle est habillée un peu avec une espèce de veste en jean, elle a plein de petits badges sur les côtés. Enfin, de petits badges, de petits pins et tout ça. Et elle a une espèce de cache-œil, un cache-œil blanc avec une croix rouge au milieu, comme la croix des médecins et tout ça. Mm-hmm. Enfin, des ambulances. Et la chose qui te... Autre ce style, la chose qui t'inquiète un peu quand tu les vois, c'est qu'ils sont armés. Tu vois que le jeune homme est équipé d'un pistolet, d'une arme de poing, un flingue, tandis que la jeune femme, elle, est armée d'une batte de baseball. Ils sont tous les deux là, ils te regardent droit dans les yeux, une fois que tu t'es présenté à eux, ils avancent plus du tout, mais ils te regardent un peu, et ils attendent peut-être que tu dises quelque chose ou que tu fasses quelque chose. Bienvenue au Hour Alibi. Vous voulez boire quelque chose, les amis? D'ailleurs, je trouve très classe tes tatouages, j'en ai un aussi, regarde, t'as vu? C'est un scorpion, mal fait. J'ai eu le choix. On veut la caisse et tout ce que vous avez. Ah. Alors, la caisse, on en a pas, on vient juste d'ouvrir. Donc ça va être un peu contraignant. Mais, je peux te filer mon extra, si t'as envie. Je vais être un peu en manque, mais c'est pas grave. Et c'est de la bonne qualité, je te l'assure, c'est de très bonne qualité chinoise. Et glisser ça vers nous. Je lui tends la main parce que je suis juste en face de nous. Tiens. tu lui tends la main et tu vois qu'il a l'air un peu d'hésiter, comme si du coup, comme t'avais pas voulu obtempérer, il était un peu perturbé parce que tu obtempères mais pas de la manière dont il voulait. Et tu vois qu'il... Et avec sa main, il l'attend du coup pour récupérer l'exta, il la prend dans ses mains, tandis que de l'autre main, il a toujours son flingue, qui n'est même pas pointé vers toi, hein, il le tient juste à la main et il est pointé vers le sol. Il prend l'exta dans ses mains, il la retire de tes mains, et il fait « Très bien, vide tes poches maintenant !» Ah, j'ai mon portable, si vous voulez, mais bon, pas très bonne qualité. Allez, on va le prendre aussi, on va le prendre aussi. Mais j'ai filé un portable jetable où je peux le trianguler, savoir où ils sont. Très bien, j'accepte. Du coup, il prend le portable, il fait maintenant, montre-nous la caisse. Je peux vous offrir un verre si vous voulez. Après, on n'a rien, on n'a pas de caisse. On va prendre des bouteilles. Ah. Alors, je suis pas. super connaisseur hein, de l'alcool, donc vous aurez de la merde. Désolé. Je suis juste un barman ici, c'est tout. Donc je vais, je leur montre la caisse, je vais regarder, il n'y a rien. Ok. Tu vois que du coup, il y a la meuf du coup qui s'approche du côté là où il y a les bouteilles et tout ça, et ils en récupèrent. Pas cette vodka là, dégueulasse. Ah, merci. Elle la repose et elle en prend d'autres. Et du coup, elle récupère quelques bouteilles, elle les met dans ses vêtements, dans son pantalon, elle remplit. Tu vois qu'ils avaient pas amené de sac, ils avaient pas prévu que ça marche peut-être ou quoi que ce soit. Un sac. Mon vieux, il se pack de merde. Parce que je pense que je comprends bien que c'est les jeunes qui doivent venir emmerder les vieux du quartier. Ça, j'admets directement que c'est eux. Donc j'essaie d'être assez gentil pour pouvoir les faire revenir et pour pouvoir peut-être les embaucher. Mais vous voulez pas rester pour boire un verre? Avec mon grand sourire de psychopathe. Tu vois qu'il se regarde un peu, avec un air un peu hésitant, et le type il fait je sais pas, enfin normalement vous avez pas appelé les flics ou quoi que ce soit. Je voulais la foutre des flics, moi. Ok, d'accord. Bah du coup, j'imagine qu'on peut prendre un verre, ouais. Alors, je regarde la bouteille d'alcool, il fait « Qu'est-ce que je devrais faire ?» Bah du coup, je prends une bouteille de rhum au hasard, et je sors des chouettes. Du coup, tu leur verses quelque chose, tu vois que du coup, ils hésitent un peu à prendre, tu vois qu'ils analysent un peu leur verre comme s'il y avait quelque chose de mauvais qui se passe. Et puis au final, ils commencent à boire un peu leur verre. J'ai un truc à vous proposer, les jeunes. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez l'âge de travailler, non? C'est bon. Ouais, bah oui, oui, oui. Je vous propose, parce que je fais partie des gens qui ont créé ce bar, donc voilà, et je vous propose de vous embaucher en tant que soit barman ou soit videur. Ça vous dit? Parce que si ça vous dit, hein, bon. Ben je sais pas, j'avoue que j'avais pas pensé. Mais en même temps, je ressens un autre truc de d'extrait. Je me reprends un peu avec le rhum. Du coup, ils continuent à boire un peu, ils se regardent un peu, tu vois qu'ils ont l'air de se poser des petites questions à voix basse et tout ça. Et le type, du coup, il fait en fait, c'est un peu bizarre comme situation parce que en fait, à la base, on était venu pas juste pour vous braquer, mais pour vous dire de dégager en fait, parce que c'est notre territoire. Mais, mais si vous nous proposez un emploi, en fait, je sais plus trop quoi penser exactement. Mais je vous propose l'emploi, tout que en fait, ce territoire au final, là où Hour Alibi, c'est ça. Normalement c'était le Maï Alibi, enfin à l'époque. Oui, mais maintenant on l'a créé comme ça. On l'a acheté, donc théoriquement c'est plus trop votre territoire, mais c'est pour ça que je vous propose de bosser avec nous, enfin de bosser pour nous, quoi, surtout. Bon, pour le moment on n'a pas trop d'argent parce qu'il n'y a personne qui, pour le moment, on essaie de faire de la pub, mais si vous pouvez faire de la pub auprès de vos amis. Attendez, vous voulez bien qu'on discute entre nous deux secondes? Ouais. Du coup, ils se lèvent, ils vont se mettre dans un coin du bar qui est éloigné de là où t'es. Et tu les entends qui chuchotent. Donc, regarde vers toi. Puis ils se remettent à jeter. Vers toi. Quand ils me regardent, j'ai des grands sourires. Je te dis, je suis un sociopathe. Hein. Je suis vraiment le typique hacker comme dans Mister Robot. Hein. C'est... Du coup, ils reviennent vers toi avec un air qui... Tu vois que l'air qu'ils prennent en arrivant vers toi, ils essaient d'avoir l'air un peu plus dur, un peu plus sérieux, un peu plus de faire peur. Ça marche pas forcément vu l'entrée qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ils essayent. Ils arrivent vers toi et ils font... Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Vous voyez ma copine, là? Normalement, ce bar, il est à elle. C'est dans sa famille, normalement. C'est son père, il bossait là et tout ça, donc on a un droit là-dessus, on a des amis, on a bossé avec des gens, j'ai déjà bossé avec des gens très sérieux, avec des grands noms. Donc si vous... On va faire quelque chose parce que vous êtes gentil, enfin sympa, vous êtes cool, enfin bref. On va inverser la situation, on est propriétaire et on vous engage en tant que barman. Vous avez les papiers de propriétaire? Non, mais on a des armes. Oui, mais nous aussi on en a. Ouais, mais vous êtes tout seul et on est deux. Oui, mais s'il m'arrive quelque chose, je connais quelqu'un qui n'a pas du tout supporté. Et qui va vous retrouver, ça me passe très bien. En plus, vous le connaissez. Il a tabassé les deux vieux là. Pas terrible, hein. Vous dire, il est fort. Et en plus, c'est un pote à moi, il vient de Yugo, Écoutez, bien. écoutez, prenez-nous au sérieux tout de suite, sinon je tire, dit-il sans lever le flingue vers toi, hein, mais sinon je tire. Bon, vous avez quel âge? Vous devez avoir 16 ans, 20 ans à peu près, c'est ça? Non, moi j'ai 28 ans et ma copine là, elle en a 26. Moi, je vais vous demander de vous poser vos armes et qu'on continue à boire et qu'on discute de ça. Hey, c'est du business. Vous voulez discuter, vous voulez être des grands, des adultes? On va discuter business. Non, non, on n'est pas des grands, on n'est pas des adultes, on est les superstars. Ok, des C'est le nom de superstars. notre gang. Du coup, on va discuter avec vous de superstars, si vous voulez. Je vois qu'il serait assis en face de toi, du coup. Alors, petite parenthèse, franchement, le jour où il y a un film, vous pouvez dire que c'est un dîner de con, un bis, mais dans un bar. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que tu proposes? Alors, ce que je propose, c'est que pour le moment, j'aimerais savoir vos compétences. Hormis que vous utilisez des armes, bon, c'est pas ce que l'on recherche le plus. Nous, on veut avoir des gens compétents. Dites-moi plus sur vous. Ok, alors. Je deviens un mec de pas. Je vais la laisser commencer, hein, parce que voilà, les dames d'abord. Monsieur Galant, c'est Exact. le Donc, premier point. tu vois que du coup la jeune femme, tu vois que elle sait pas trop quoi faire, elle tient sa batte de baseball du coup sur son épaule d'un air un peu comme si elle essayait d'avoir l'air cool et un peu intimidante, mais en même temps elle est assise en face de toi pour un entretien d'embauche. Du coup elle fait bon ben moi je bah j'ai pas beaucoup travaillé avant, mais justement mon père il travaillait ici, c'est lui qui gérait le personnel, les serveuses, tout ça, donc je connais un peu, j'étais déjà venu quand j'étais plus petit, donc je sais comment ça marche un bar, et sinon bah je sais me défendre. C'est une très bonne chose, ça aussi. D'accord, donc vous savez à peu près comment il faut travailler dans un bar, ok. Voilà. Maintenant, et là, je prends un air vraiment sérieux, c'est même si je suis sous extase et je regarde le mec. Tu vois que le mec, il a l'air un peu de suer. Tu vois qu'il a l'air de comprendre que son entretien d'embauche, seulement le stress de l'entretien d'embauche apparaît de manière instinctive sur lui. Et du coup, il fait... Alors, excusez-moi, du coup, j'ai pas amené de CV parce que c'était pas vraiment ce qu'on prévoyait. Mais C'est du sur le tas. coup... Alors, ben, j'ai déjà fait caissier, j'ai rempli des rayons. Sinon, ben, j'ai déjà, pour des choses plus sérieuses, tu vois, des trucs de mec, je gérais un peu tout ce qui était un peu le shit, tout ça, dans le quartier où j'étais, enfin, les trois blocs de maison, le bloc d'immeuble dans lequel j'étais. Bon après j'ai essayé de faire un peu plus, j'ai travaillé avec des gens un peu plus sérieux, ça n'a pas duré très longtemps et eux-mêmes ils n'ont pas duré très longtemps, c'était... Je sais pas si vous avez entendu parler, c'était une Falcon. Je n'avais pas entendu. Moi, j'ai vécu avant de venir ici à Ok. Chinatown. J'avais affaire à d'autres personnes un peu plus sérieuses. Ah, ben justement, j'ai été à Chinatown pour un truc, ben justement, où je bossais avec elle. Après, on m'a dit de partir, mais je suis toujours là. Et donc, ça montre que je suis persévérant. Ben ça, c'est cool. Vous avez des connaissances en informatique ou pas? Non. D'accord. Ah, j'ai fait, à une époque, j'ai fait un petit site web pour justement vendre le shit et tout ça. Bon, ça a été fermé, mais je sais faire de la mise en page avec, vous savez, les petites paillettes, les trucs qui tournent, tout ça. D'accord, ok. D'accord. Et vous vous appelez comment? Alex. Et toi? Megan. D'accord. Vous savez quoi? Je vais discuter avec mes collègues. Mais moi, j'ai très envie de vous embaucher. Ok. Bah, Parce c'est que je pense cool. que vu que je pense que vous faisiez partie des gens qui sont dans ce quartier, qui viennent, comment dire, j'ai eu des échos des personnes, de jeunes qui viennent un peu terroriser le quartier et tout ça. Vous devez avoir du Ah renseignement sur. oui, ah oui, c'est nous. Oui, non, mais ça, je savais que c'était vous, mais bon. C'est le passé. Du coup, vous me disiez, vous devez avoir beaucoup de renseignements dans ce quartier-là. Vous savez qui est Non, qui, vous savez. non, pas vraiment en fait. Vous avez C'est des en fait, renseignements? ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir les SDF ou ce genre de trucs et on prenait ce qu'ils avaient. Donc, on n'a pas rencontré vraiment de gens très intéressants. Voilà. D'accord. Un jour, on a rencontré des gars de Little Odessa, mais on s'est dit qu'ils faisaient un peu, enfin qu'ils avaient l'air un peu trop sérieux, ils faisaient trop peur, donc on a rien fait, on n'a pas discuté avec eux. D'accord. Ok. Alors, je vais en discuter avec mes collègues. Bon, pour le moment, on attend d'avoir de la pub et tout ça. Si vous pouvez nous en faire de la pub aussi dans le reste des quartiers et tout ça où vous traînez, parce que je pense que vous traînez pas que ici, hein. Sinon vous aurez remarqué très rapidement. Vous fassiez un peu de pub de venir ici et tout ça. Pour le moment, on ne pourra pas vous rémunérer correctement, mais moi je peux vous loger chez moi. Comme ça, vous dormez pas dans la rue. Oui, ça nous intéresse. C'est toujours bien le boulot du coup. Ah bah attendez, attendez, parce que du coup, si vous voulez nous contacter, il faut que je vous rende votre téléphone pour que vous puissiez nous appeler. Vous en faites pas. J'ai mon téléphone et là je montre mon smartphone. Ok. Je vous contacterai avec ce téléphone-là. Ok, cool, bah merci. Les bouteilles, on vous les rend ou... Oui. Ok. Bon bah tenez les bouteilles. Vous pouvez garder celles qu'on a commencé à entamer. Sinon les autres, je veux bien que vous les rendiez. Ok, bah, génial mec, génial. Bon Oui. bah du coup bah, voilà mon numéro de téléphone et du coup si vous voulez vous intéresser. Alors. Voilà. Merci. Très bien. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'était une journée productive, donc à la prochaine. Passez une bonne journée. Du coup, tu vois que les deux se lèvent, ils vont vers la sortie, tu vois que du coup, le mec te fait un salut de la main en partant et ils s'en vont. Et tu vois qu'à peine la porte fermée, tu les vois monter, tu sais, parce que du coup, il y a la porte et il y a l'espèce d'escalier qui mène vers le reste où, du coup, à la demande d'un peu tout le monde, il y a une vitre qui est installée pour voir qui vient et qui part. Tu les vois qui montent l'escalier et tu les vois qui, avec la jeune femme, du coup, qui a l'air déjà un peu de l'embrouiller, qui est en train de dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? On était censé récupérer. Mais tu les vois qui continuent à s'éloigner, à s'engueuler. Mac, il me regarde quand je nettoie les verres que j'ai utilisés. Madame, ça fait ah, je vais pouvoir continuer mes schémas. Vais pouvoir installer vraiment une clochette à côté de cette porte. Du coup, tu te remets au boulot, tu fais ce que tu t'attends. Ouais, exactement. Voilà, t'attends. Et au bout d'un moment, les uns après les autres, le reste de l'équipe se réunit à nouveau sur place. Attendez, pour que je vous remette des trucs de ce qui s'est passé, parce que dans la vraie vie, ça passe pas souvent comme ça. Alors, avant qu'on se retrouve, oui. Est-ce que on aurait pu faire quelques petites courses? Oui. Au sein d'Arkham City, oui. Oui. Alors, bon, ça, je pense que ça va se trouver. Il y a sans doute des poissonneries au sein d'Arkham City. Il y a forcément une poissonnerie. Oui. Okay. Il y a sûrement un supermarché où je peux trouver des trucs d'électronique. Ouais. Ok. Alors, je voudrais acheter une balance électrique. Et je voudrais savoir combien ça pèse individuellement, là, les sachets qu'il m'a passé. Il fait ça dans le rap. Pas mal, pas mal. Eh bien, du coup, tu te fournis ça. On va pas se faire chier à faire les prix ou ça, parce que c'est rien du tout par rapport à l'argent que vous avez quand même. Et du coup, tu vérifies les sachets et tu vois que individuellement, les sachets doivent tous faire, tu dirais, 1 kg. Ok. Et il y en a à peu près? Il y en a 10. 10, ok. Dans ce cas-là, du coup, on n'a qu'une voiture, hein, c'est ça le problème là. Et visiblement, vu que c'est la voiture de Paul, c'est pas nécessaire. C'est eux qui l'avaient, en effet. Ok, bon, tant pis. Bah, alors, on va prendre 20 kg de sel chez le poissonnier, de gros sel. Ok. Et quelques poissons. Une dizaine de vieux poissons de mer, du maquereau, tu sais, des petits trucs pas trop chers. Voilà. Ok. Alors. Et des serflex. Des serflex. Et des espèces de sachets hermétiques qui peuvent aller sous l'eau. Voilà. Voilà. Ah bah, tu alors, fournis ça assez facilement. On aurait par contre, toi si je ne sais pas si ça existe dans Arkham City, mais est-ce qu'il y a des magasins de sport nautique dans Arkham City? Est-ce qu'il y a un Décathlon dans Arkham City? Est-ce que je peux acheter... Non, dans Arkham City, il n'y a pas ça, malheureusement. Il faudrait cliquer Arkham City. Bon. Est-ce que la musique vient de s'arrêter? Oui. Ok. On va faire ça après, dans ce cas. Voilà. Très bien. Du coup, ça fera après. Du coup, vous réunissez peu à peu au MyAlibi, un peu au MindBrit au final, vu que la dernière course de Yasmine et Marco ont fait que ça se synchronise assez bien. Et vous vous réunissez un peu au même moment, de nouveau, au Hour Alibi. Je suis de notre côté, mais on a un gars qui devrait nous rendre visite à l'occasion. Moi, je vous regarde, je suis en train de nettoyer les verres. D'une autre, on a une petite livraison à faire qui nous permettrait de faire plus. Ouais, et on aurait bien besoin de la voiture ou que... Ou du moins que quelqu'un, soit quelqu'un à faire des courses. Pardon, soit quelqu'un à y faire course ou. Quoi? Tu n'as pas l'accent? Que quelqu'un à faire course ou quelqu'un m'emmène en dehors de Arkham City. En vrai, quand il parle sans accent, c'est juste qu'il parle dans sa langue natale. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a juste pas compris. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. C'est parce que je sors. Bête de bar Little Odessa, donc forcément, c'est sûr. Oui, t'as, en fait, t'as, on comprend pas trop ce que tu dis dans ta langue, mais ça se comprend, je veux dire, tout à fait. Et oui. Mais enfin. Ah, ouais. On a Frigo ici? Je sais plus. On a Frigo, là, tu arrives. Oh, il va. Ok, on va mais vite mettre le poisson dedans. Parce que sinon. Ah, d'ailleurs, je vous parle d'un truc, les amis. Ah, qu'est-ce que ça fait comme connerie encore? Pourquoi t'as bu des verres? Pourquoi tu nettoies? Oh. Je dois tout vous expliquer. Vous allez peut-être me croire ou pas du tout. Tu es alcoolique. Non, moi je suis que drogué. Si je sais, tu en as bu plusieurs. La preuve. qui utilise plusieurs verres pour boire? Attends, mon ami. Alors, Non, c'est très rigolo. Vous savez, les jeunes qui tabassent les gens et qui terrorisent les gens sont venus ici. Ah ouais, les deux là, ouais. Ouais. Et ils sont venus me braquer et au final, bon, je leur ai filé mon Insta. Bon, je l'ai récupéré. Attendez, chaque chose en son temps d'abord. J'ai filé mon Insta, mon téléphone, et après, je leur ai proposé de boire un verre pour discuter. Ils ont pris un verre avec nous. Et ils voulaient des bouteilles et tout ça, ils ont pris des bouteilles. Parce qu'ils voulaient nous braquer la caisse, je leur ai dit, il n'y avait pas d'argent. Je n'allais pas leur parler des 30 000 l'argent qu'on a en stock. Et j'ai fait des propositions à ces gens-là de travailler pour nous pour faire de la pub du bar. Bon, on pourrait pas les rémunérer, mais je leur ai proposé, vu que j'ai loué un appartement, je leur ai proposé de venir loger un petit moment chez moi. Et au final, ils m'ont rendu les bouteilles qu'ils m'ont volées. Ils m'ont rendu mon extra. Et voilà. Et ils étaient OK pour ça. Voilà. Alors, c'est complètement chelou, alors que moi, je suis insociable. Vous me connaissez, surtout le russe, là. Il me connaît. Je suis quelqu'un qui n'est pas très sociable. Je sais pas comment je l'ai fait. Peut-être que j'étais sous extra aussi. Voilà. Bon, on a bu un rhum. Je leur ai dit de pas toucher à tes vodkas et tout ça, et à ton alcool du yuga. Je leur ai dit que c'était de la vodka de merde, comme ça ils touchent pas. Et ils ont pas touché en bouteille. Voilà. Ah. C'est un petit résumé de ce que j'ai vécu en quelques heures. Et vous, ça a été? Oh, tu dis ça avec un grand sourire, en train de nettoyer les verres. Moi, je vais prendre un téléphone et appeler la pizza Luigi. Et je vais commander 14 pizzas et une adresse bidon à l'autre bout de la ville. Très bien. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Merci. La vengeance de la mafia. La et là, je raccroche et je pose le téléphone et j'acquiesce. Voilà. Donc, du coup... Je sais pas ce que vous pensez de ce que j'ai fait, mais voilà. Du coup, Yasmine, si tu veux un lit, ça sera, tu dormiras dans ma chambre, je dormirai sur le canapé. Non, moi je dors toujours dans l'arrière-salle. Ah, et d'ailleurs, j'ai repris ton lit parce que je suis maniaque. Mais... ok. oui, sinon, c'est-à-dire, du coup, on a deux nouvelles personnes qui travaillent pour nous, qui sont des petites frappes qui faisaient peur à tout le monde, c'est ça? Ouais. C'est ça. Bah, au final, ils essayent de me faire peur. Des pubs, les gens qui font peur. Ouais. Ils vont faire de la pub et je leur ai dit qu'il faut plus qu'ils fassent peur aux gens. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent de la pub avec les gens qu'ils connaissent. Et voilà. Mais pourquoi ils vont arrêter de faire peur? Enfin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que s'ils ont déjà une activité criminelle, pourquoi ils arrêteraient tout à coup pour travailler pour nous? Parce que comme je leur ai filé un de mes portables, et qu'ils passeront que par ça, bah j'aurai suffisamment de dossiers pour appeler les flics. Et les faire ah, couler. Donc c'est joué à la menace, donc il y a un vrai truc. Ouais, mais ils le savent pas ça encore. Mais du coup, pourquoi ils ont... Ok. Ouais. Ouais, bon bah, oui, travaillons. C'est bien d'avoir des gens, et puis si ils acceptent de travailler gratuitement pour nous, on va pas dire non. Voilà. Ok. Ah, il y en a un qui a travaillé pour un certain... Comment il s'appelle le mec, là? Un gars qui était là... Falcon. Ouais. Ça. Il m'a dit ça. Enfin, moi, je connais pas. Moi, je connais que les triades, mais... Moi, je me méfierais d'eux, quand même, qui ne trahissent pas. Faut rien leur dire de... Tu sais quel Falconet? Ou pas? Non, ils m'ont dit que c'était... certaines personnes assez respectables et que la fille qui était avec eux était la fille de l'ancien propriétaire qui était ici. Ce serait la fille de Frost? Oui. Ils avaient quoi comme dégaine? Alors, on avait un qui était tatoué sur toute la gueule. Un crâne. Et la nana avait un cache-œil avec une croix rouge. Il avait quoi comme tatouage? Un crâne. Est-ce que je sais quel genre de gang ou de groupe pourrait faire ce genre de pratique? Eh bien, oui, tu le sais, car tout le monde fait ça. Non, mais en vrai, c'est quelque chose qui, chez les gens qui veulent être un peu originaux, se faire un visage en crâne, ça se fait assez souvent au final. Donc ça correspond pas spécialement à un gant. Quoi que ce soit. Ok, c'est l'équivalent du tatouage de loup. Voilà. Mais pour version Gotham. Voilà, pour les gens qui veulent aller très loin quand même, parce que du coup ils se le font sur le visage ou quoi que ce soit, mais c'est pas un signe de gang, quoi, c'est juste un signe de originalité. Bon, c'est des nuls. Ouais, et au début ils voulaient me descendre, donc du coup je leur ai dit que j'avais un ami qui était, si on me descendait, qui allait pas être très content. À l'occasion, tu sais quand ils vont revenir? T'as un moyen de les contacter ou pas? Oui, si tu veux, je les contacte maintenant. Est-ce que tu peux leur demander s'ils connaissent pas une Mégane O'Malley? O'Malley? Ok. Je les appelle. Du coup, tu les appelles, attends un petit moment, et puis ça répond rapidement et ça fait « Ouais ?» C'est qui? C'est moi. C'est le barman. Celui qui va venir au niveau, les gars. Comment ça va, patron? Ça va tranquille. Ouais, comment ça va, mec? Ça va tranquille. Je voulais savoir, tu connais pas une certaine... Attends, juste entre guillemets, comment c'est... Attends, tu peux me l'écrire au nom, parce que... Mégane O'Malley. Une certaine Mégane O'Malley. Oui, c'est ma copine, c'est celle qui était là. Ta copine? Ouais, enfin, bon... on a une relation compliquée, ça dépend des jours, ouais. Mais... Enfin, oui, elle était là. Ouais, est-ce que t'as mis en haut-parleur ou pas? Ouais, je te mets en parleur, il y a mes autres collègues et tout ça. Ok, et attends. Et là, je crie. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Ouais. Ouais, bah oui, bah si vous voulez, mais pas de truc chelou. Hein. Pas de truc chelou. Enfin, genre, j'ai dit que c'était compliqué, mais quand même. Hein. Pas de truc chelou. Passe-la moi, s'il te plaît. Ok. Du coup, tu vois, t'entends des trucs qui se disent un peu à l'écart du téléphone ou quoi que ce soit, et puis finalement, t'entends... Allô? Mégane? Oui, c'est moi. Je sais pas si tu me remets, je suis Pi, Paul-Edouard. J'ai bossé pour ton père, il y a quelques temps. On s'est croisé chez toi. Ouais, peut-être. Thompson, on avait pas mal discuté, tu te rappelles, t'avais eu ce problème avec un gars, c'était bien, hein, d'ailleurs, je suis pas en train de dire. Ouais. Oui, c'était Alex. Ouais, voilà. C'est Alex qui est en train de parler, là? C'était Alex, le gars à côté? Ouais, c'était Alex. Ouais. Oui, c'était Alex qui parlait. Ok, faudrait qu'on se voit, qu'on vous voit tous les deux, enfin tu me remets, tu vois qui je suis. Ça serait mieux que vous veniez les enfants. Je sais pas lequel de ceux qui étaient là a tué, mais oui, je me souviens du groupe en tout cas. Bah écoute, quand vous pouvez, repassez au bar et on en discutera. Je te cherchais justement. J'ai fini à Londres pendant quelques temps, mais je voulais savoir ce que tu devenais. Donc c'est une sacrée coïncidence. Ça me fait plaisir. Ok, bon, on va venir très vite. Alors on va venir très vite. Ça marche. Bon bah. J'appelle le haut-parleur. Je dis maintenant vous pouvez venir en chambre. J'ai rien entendu. Je disais. Vous pouvez, si vous avez des affaires qui traînent chez vous, enfin, si vous. Bon. Je sais qu'ils n'ont pas un chez soi, mais si vous avez toutes vos affaires, vous pouvez venir chez vous, je vous montrerai votre chambre. D'accord. Ça veut... On est toujours. Enfin, ouais, d'accord. Vous êtes toujours employé, vous en faites pas. On va les loger, tu vois. Moi, je les loge, moi. Non mais si bon c'est Mégane, c'est... Et là, du coup, je me retourne vers toi, JB. C'est elle que tu voulais... que je voulais que tu recherches. La fille. C'est elle. Bah, je l'ai trouvée. Elle est venue à moi et au final, elle est venue vers toi. C'est parfait. Et alors, vous voyez quelques gouttes de sueur parce qu'ils avaient un flingue. C'est pas très bien. Sachant que vous... Bon, en tout cas, t'as bien fait de les embaucher. Je t'en dois une. Oui, mais c'est... suis pas très sociable, vous me connaissez déjà, vous avez vite fait le tour de la maison pour moi, donc c'était compliqué pour moi de rester calme. Donc ouais. Bah, du coup tu l'as retrouvé et... Du coup je leur ai proposé une de mes chambres au deuxième étage. Voilà. C'est cool, merci. Si t'as d'autres personnes à chercher, t'as... Pas, tu me demandes. Non, je pense que les autres ils sont tous morts. Moi je dis ça franchement de super zen, tu vois, super calme. Moi je reprends un morceau d'exta avec du rhum. J'arrive pas à me remettre de ce que je viens de faire. Du coup, bon, vous avez conscience qu'ils arrivent bientôt, mais qu'ils n'arrivent pas immédiatement. Donc je vais vous demander, est-ce que vous avez des choses à discuter, des suites de projets? Vous êtes libre pour le moment, vous êtes toujours libre. Il y a quelqu'un qui est bon en artisanat ici, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est fin au niveau de ses mains. Parce que j'arrive pas à faire quelque chose, donc j'ai réussi à faire pas, mon moi, logiciel. Moi, je suis pas mauvais, moi. Ah, j'aurais besoin de toi, puis vu que tu m'en dois une, mais bon, ça, c'est pas, c'est gratos. Mais c'est juste pour savoir si tu peux m'aider à faire. Je leur montre mon plan, tu sais, sur les différents trucs que je leur avais dit, tu sais, pour hacker les gens qui se connectent et tout ça, et ils se branchent. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai réussi à faire mon programme à la perfection, mais j'arrive pas à le faire rentrer dans une petite puce. Pour le cacher et pour pouvoir bien brancher sur les câbles électriques et tout ça. Okay, ouais, bah du coup, écoute, j'aurais besoin d'aide. Je vais voir ce que je peux faire. Du coup, bah, si tu veux t'y mettre immédiatement. Ouais, je vais regarder, j'ai rien à faire. Je vais me faire un petit jet d'artisanat. Les autres, si vous voulez discuter pendant ce temps, vous pouvez toujours. 11 sur 40. Petite question. Ouais. Sur Arkham City. Alors, est-ce que du coup Arkham City a un énorme mur genre qui délimite tout tout autour de la zone ou... Non, il n'y a pas d'énorme mur. En fait, s'il y a juste à la zone délimitée, là où il y a des rues et des rues, quoi que ce soit, il y a juste plein de sacs de sable qui ont été posés ou même juste des véhicules, des autorités ou quoi que ce soit qui ont été posés. Pour l'instant, c'est vraiment très très bric-à-brac, quoi. Il n'y a pas le grand mur avec des projecteurs, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il en est des rives du fleuve qui coule à Gotham? Je ne sais pas c'est quoi son nom. Qui traverse Gotham. Ouais, alors, il y a plusieurs zones, mais oui, tu parles de celle qui longe Arkham City, quoi. Oui. Ouais, alors c'est la Morrison Harbor. Et du coup, c'est... C'est pas bloqué, mais il y a beaucoup de présence des autorités. En tout cas, de la Net Security qui fait beaucoup de passages comme ça parce que c'est la manière la plus simple de faire revenir des choses hors des passages. Donc forcément, il y a beaucoup de sécurité qui passe, qui vérifie, mais c'est pas non plus une zone militaire, quoi. Et bon, c'est peut-être un peu spécifique, mais... Les corons, ils vont dans quel sens? Wow. Eh bien, tu vois sur la carte qui est à votre disponibilité, l'océan est au nord. Ce qui vient du sud, en gros, c'est le fleuve qui vient de l'intérieur des terres. Sur la carte que tu vois. Et dans le cas directement de ce qui longe Arkham City, là, du Morrison Harbor, bah, ça vient, c'est des eaux un peu cheloues où ça tourbillonne de temps en temps, surtout à Morrison Harbor. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de grand courant particulier. Est-ce que vous, du coup, vous connaisseriez un coin, un immeuble, un truc, n'importe quoi, qui surplombe un petit peu là le Morrison Harbor, ou du coup la rivière, la Finger River, toujours dans Arkham City, ou du moins un coin, est-ce que on pourrait avoir connaissance d'un coin un peu plus tranquille, est-ce qu'il y en a un qui saurait ça? Je sais pas. Eh bien, pour le savoir, je vais demander un jet de culture gothamite à ceux qui veulent y réfléchir. Moi je veux pas y réfléchir, moi je m'en bats les couilles. Eh bien. Moi j'en ai pas. J'ai fait un, putain. Moi je me concentre, je regarde comment il fait Pi. Moi, je suis concentré à Pi de toute façon. Et bah, réussite critique. Premier 1 pour moi depuis très très longtemps. Bien, pas mal, pas mal. Ouais, bah profitez-en, parce que lorsque ce sera important, je ne ferai pas un aussi bon score. Eh bien, Ruby, il se trouve que, à l'époque, avant que ce soit Arkham City, c'était l'East End, c'est là où il y avait pas mal de trucs de drogue ou que ce soit, donc tu t'avais déjà traîné dans le coin. Et sais que dans, en dessous du Robinson Park, toujours dans la zone Arkham City, pas loin du port qui fait la liaison, enfin de, du pont qui fait la liaison entre Arkham City et le vieux Gotham, il y a une espèce de petite jetée. Qui n'est pas notifié sur la carte, mais qui a une petite jetée qui s'appelait le port Solomon, qui en fait n'était pas, qui était pensé pour être un port à la base, mais qui n'a jamais, vraiment jamais, qui n'est vraiment jamais arrivé à devenir un port. C'est juste du coup des planches, des jetées et quoi que ce soit. Et tu sais que c'est fait de manière un peu mal foutu, donc il y a manière en réalité d'y passer, de se cacher, d'être tranquille dans cette zone-là. C'était notamment une zone de shoot et de deal qui était assez appréciée, même quand il y avait des descentes dans l'East End. Eh bien, je fais part de ça à tout le monde, je leur dis exactement ce que tu viens de me dire à l'instant. Très très très très très intéressant. T'as vu ça? Merci beaucoup. Très bien. Du côté de Paul-Édouard et donc de Jean-Baptiste qui est en train de bosser un petit peu sur leur petit projet, Paul-Édouard, tu arrives à faire un bon produit, hein. En tout cas tu arrives à faire une bonne prise dans laquelle s'imbrique bien l'espèce de software, de truc informatique qu'a créé Jean-Baptiste. Oui. Voilà, vous l'incrustez dans un mur, vous faites un premier test, vous branchez un téléphone, peu importe lequel, et Jean-Baptiste, tu te rends compte qu'en effet, tu peux avoir accès aux données de ce téléphone, donc vous avez quelque chose qui fonctionne. Là, vous voyez que je suis tellement dans un truc d'exta que j'ouvre une autre bouteille de rhum et je fais « Allez, je vous paye un verre, les gars. » Calme-toi, il faut garder pour client. Ah, ça coûtait cher, même si c'était le merde. Bah, je sers un verre à tout le monde, je fais. Ah, je suis bien avec vous, franchement. Même si j'ai eu des malentendus avec toi, comment il s'appelle déjà? Marco. Franchement, je suis super content. J'ai réussi à un truc. Putain. Oui, ça fait plaisir. Bravo à toi. C'est très gentil, c'est très bien. C'est très bien, félicitations. Peu de temps après, vous entendez finalement descendre l'escalier. Vous voyez par la fameuse vitre qui permet d'avoir une vue sur cet escalier, les deux jeunes que vous avez donc appelés en vitesse. Ils reviennent, ils ouvrent la porte et vous voyez que... Bon, le jeune homme, du coup, a toujours son flingue, mais à la ceinture cette fois-ci. La jeune femme a toujours sa batte de baseball à la main. Et ils entrent un peu de manière plus hésitante encore que la première fois qu'ils étaient venus, parce que du coup, ils savent pas spécialement dans quelle situation ils sont. Mais ils sont là. Ils entrent et tous vos regards se croisent les uns après les autres. Megan! Salut Axel! Ah, ça fait plaisir de te voir! Enfin, visage... que je connais dans ce bled. Ça fait tellement longtemps. Tu vois que du coup, Megan arrive rapidement vers toi, elle trottine un peu vers toi. Et elle dit... elle s'arrête un peu vers toi, elle fait... t'as changé quelque chose, non? Ouais. Disons que... ça m'a un peu... j'ai un peu chauffé de la tête, quoi. Et c'est. Tu vois que. Tu vois qu'elle vous regarde un peu les uns après les autres. Et elle dit. Vous étiez pas là, vous, non? Non, j'étais pas là. J'étais tout seul. Et. Je sais. Non, ils en faisaient pas partie. Je viens de déclarer votre honneur. D'accord. Ils étaient pas du. Ils en faisaient pas partie. Très bien, bah du coup. Je me présente, je suis Megan O'Malley et je suis la fille de Patrick O'Malley qui gérait le bar avant. Et c'est sa batte. Ah oui, c'est vrai. Ah, et oui, c'est vrai que sur le coup, je la regarde, je fais, mais oui. Non. Vous voyez que... Je vais vous demander un G quand même de... Qu'on va dire de culture gothamite à un peu tout le monde. Parce qu'il est possible quand même que vous ayez entendu parler de l'histoire de Frost, de Patrick et tout ça, sans même que Paul-Edouard vous en ait parlé. 24 moi, j'en ai pas bien, j'en connais. Ouais. Bah, j'ai pas de culture gothamite, moi, donc... Ah, génial, génial. Attends, moi, je vais regarder si j'en ai. C'est... Tu en as 40. Ah, ben, je vais faire, alors. Ah, mais je vis dans le coin. Oh, t'as bossé avec les Chinois. T'as bossé avec les Chinois, pourtant. Je dois le savoir. Oui, mais ne sortez pas, moi, quand je pour eux. Bon, ça a pas mal canardé, pourtant, dans le secteur. Charlie, tu souhaitais faire un jet aussi, ou pas? Ouais, j'ai fait 64 sur 15. Donc, c'est un échec, et de loin. Ok, vous me rappelez les autres résultats, parce que je suis pas sûr de les avoir entendus. Moi, j'ai pas besoin. Sur 15. Ok. Et toi, Jean-Baptiste, tu m'as fait combien, tu as dit? 48, donc c'est pas bon. Ok. Du coup, la seule personne qui n'était pas là à l'époque et à qui s'est dit quelque chose, c'est Yasmine. En effet, Yasmine, par tes intérêts particuliers dans le milieu, de toute manière, tu t'es renseigné. Et tu sais qu'il y a quelques années, justement, aux origines de la fameuse guerre des gangs qui a un peu brisé la mafia grise qu'il y avait... Et toute cette histoire de machination, de tentative de faire un coup d'état au sein de la mafia et ce genre de choses, tu as en effet entendu parler d'un certain Patrick O'Malley qui aurait participé à cette organisation, qui a priori aurait disparu, et notamment avec un Frost et ce genre de choses. Il y avait des gens un peu dans tout, il y avait dans Chinatown, il y avait dans partout, mais tu sais que... C'est un complot qui a été de courte durée, qui s'est mal terminé, mais qui a du coup provoqué la situation géopolitique criminelle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je me dirige vers Alex. Je fais « Alors ? Ça va ? Ça fait plaisir de te voir aussi. » Quand je t'approche en levant la main, il recule un peu. Il fait « Attendez !» Ah ouais, tu fais une petite dame de dos, tu vois qu'il a l'air de se rassurer un peu, il fait « Ouais, ça fait longtemps. » Désolé, hein, c'était le boulot, hein, je suivais les ordres. Hein, mais bon, de toute façon, je vois bien que elle est toujours avec toi, donc voilà. Et du coup, vous comptez faire présentation ou... Ben écoute, oui. Elle s'est présentée déjà. Maintenant, Alex, c'est son copain. Bon, on a eu l'occasion de. On a eu l'occasion de discuter assez longuement avec Alex par le passé. Ouais. tu vois qu'à ta demande, Marco, de se présenter comme un homme, du coup, tu vois qu'il regarde un peu partout, comme un espèce de biche qui va se faire éclater par une bagnole en plein milieu de la nuit. Mais du coup, moi je me rapproche de lui, puis je vais juste lui éclater la main. Du coup, tu lui serres bien la main, tu vois sur son visage qu'il était pas prêt à se faire serrer la main à ce niveau-là, quoi, de manière aussi serrée, et tu vois qu'il fait ouais, moi c'est Alex. Ah bah, je connais Paul-Edouard, on a travaillé ensemble. À une ou deux occasions, on a travaillé, pas forcément ensemble d'ailleurs, et enfin, je connais un peu, quoi, voilà. Et c'est toi qui as essayé de braquer mon bar, c'est ça? Je le regarde, je fais... Non, ouais. Je rigole, et... Par contre, si tu recommences, je vais te faire couler le pied dans le béton et te couler dans la rivière du Heifinger. C'est compris? Mais sinon, c'est bon, t'es dans la famille maintenant, t'inquiète pas. Et allez. Serre-nous un petit peu. Bah, tu vois, j'ai le bras sur lui comme ça, tu sais, genre en mode, c'est mon pote, tu sais. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Je te cherchais, Megan. J'ai demandé justement à JB de te retrouver, mais. Bon, il a pas eu le temps de le faire, tu t'es présenté directement. Oui, bah, en même temps, vous êtes venu à l'endroit qu'il fallait. Non, c'est sûr, alors... Ah oui, mais je me cache un peu en ce moment, parce que... Bref, le nom me suit, quoi, c'est tout. Alors comme ça, tu fais partie d'une petite bande qui fout un peu le bordel dans le quartier? Non, c'est ce qu'on dit, mais en fait, on est juste deux. Ah, vous êtes que deux? Oui, c'est juste nous. Bon, bah écoutez, comme vous a dit JB, vous êtes le bienvenu ici, faites comme chez vous. Et puis, je pourrais pas laisser la fille d'un de mes amis à la rue quand même. Ça se fait pas. C'est pour ça, petit, que j'ai proposé qu'il dorme dans mon appartement. Non, mais t'as bien fait. Si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait moi, donc. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai juste une question parce que on a pu passer, il y avait pas de souci, mais c'est des amis à vous, les gars qui attendent devant. C'est-à-dire? Nous on l'attend, je regarde. Attends. Les tu gars. Tu veux me donner ce que tu as ceinture, s'il te plaît? Ouais, mais ça en fait ça va pas être très utile. Il y a rien dedans. C'est un faux. Non, oui, vous voyez qu'il montre son pistolet, vous voyez qu'il a le petit bout orange au bout du pistolet. Il fait non, ouais, c'est en plastique en fait. Tu voulais vraiment essayer de braquer avec ça? Bah, avant vous, c'était des SDF qui avaient, donc on s'est dit. Mais tu sais, un jour, tu vas tomber sur le commerçant coréen, juif ou albanais, il va sortir Magnum 9mm et tu vas faire comprendre que c'est pas bonne idée. Bah, donne-moi ça. Ok, tu t'es étonné. Je vais retirer le bout orange. T'as déjà vu ces gars-là dans le quartier? Tu vois que du coup, Megan n'a pas l'air d'avoir une grande idée de ce qui se passe, mais Alex, du coup, lui, il dit... eux particulièrement, non, mais c'est en fait, c'est trois espèces de fourgons et c'est des gars... Je crois que c'est des gars qui ont l'air de venir de Bloodhaven, donc c'est peut-être pas n'importe qui, parce que du coup ils viennent de la ville d'à côté. Ok. Les gars, je propose que vous allez rester à l'intérieur, et nous on va sortir pour avoir discussion avec... Moi je vais juste vous amener à votre appartement, à nos appements. Mais t'es con, ouais, t'es con, il faut avec qu'il passe devant. Bon bah ok, comme tu veux. Bref, Yasmine, tu viens? Bah j'y vais, on y va, enfin on y okay. va, hein. Moi aussi j'y vais. Ok. Et attends, et prends la batte de baseball aussi. Moi je prends la batte de Patrick, enfin, ou toi, ou moi. Après c'est sentimental pour moi la batte de Patrick. C'est la batte de Patrick. je garde le pistolet en plastique. Moi je prends une barre en fer, genre un truc qui devait rester okay. dans un coin. Très bien. Du coup, vous sortez tous les 5, c'est ça? Bah visiblement oui, mais du coup Baptiste il va accompagner les deux autres. Donc tous les 3, ça veut dire qu'on sera vraiment face à eux. Sauf s'il nous rejoint après. Mais... Ruby, tu sors aussi? Ah, oui, je pensais plutôt rester en entrée. Ah. Ok, d'accord. Comme tu veux. Vers l'entrée, peut-être. Ok, d'accord, ça marche. Du coup, Marco, Paul-Edouard et Yasmine, du coup, vous vous présentez devant l'entrée directement et vous voyez en effet que ce qu'ils ont décrit est bel et bien là. Il y a 3 fourgons dans l'espèce de petit parking que je vous ai déjà décrit, avec plusieurs gars qui sont autour. Ils doivent être 5 ou 6. C'est des gars qui sont habillés un peu... En fait, c'est assez varié. Il y en a certains qui sont habillés vraiment avec des sweatshirts et ce genre de choses. Mais d'autres qui sont habillés de manière un peu plus tenue de tous les jours, mais pas vraiment de quartier ou quoi que ce soit. Mais ce dont vous êtes sûr, c'est qu'ils ont l'air chacun armé, ils n'ont pas les armes sorties, mais vous voyez qu'à la ceinture, ils en ont. Bon, et ceux qui n'ont pas d'armes à feu, qui ont a priori des armes de corps à corps, il y en a 2 qui ont ce qui semble être des espèces de barres de fer ou des espèces de battes de baseball en aluminium. Il y en a 2. Et ils sont tous là, a priori, à attendre. Un peu appuyés contre leur véhicule. Et en vous voyant arriver, ils se relèvent pour avoir l'air un peu imposant. mais ils n'avancent pas. Vous voulez que je vienne en discuter avec eux? Comme toi veux, plus on est de fous, plus on rigole. Non, moi je suis avec les autres, donc je suis plus là. Ah bah, et... faut savoir. Ok. Très bien. Bon bah alors moi du coup pour pas que ce soit trop flag, je vais garder le pistolet sous la ceinture, mais tu sais, à moitié sous le t-shirt aussi. Genre ouais, pour que tu devines la forme, mais tu vois pas si c'est un vrai, si c'est un faux, bref. Ok. Très bien. Du coup vous rapprochez, histoire d'arriver à distance. Oui, oui. Ouais. Du coup vous rapprochez, vous marchez droit vers eux, d'un pas qui se fait le plus assuré possible dans votre situation. Et l'un d'entre eux, du coup, se redresse bien et fait quelques pas vers vous et dit « Vous avancez pas plus que ça, ça suffira. » Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vais avancer un peu plus que ça. Moi, je vais avancer un peu plus que ça. Moi, je le retiens un petit peu avec ma main. J'y attends vers Marcor. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un souci ? Oui. Quand on est poli, on dit bonjour. Il y a aucun souci. En tout cas, pas pour le moment. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Bon. Ça va très bien. On est là. Si on est là, c'est de la part de The Whale. Ok. On a entendu dire que le Mayalibi se relançait. C'est Our Alibi. Le Our Alibi, aujourd'hui. Très bien, vous pouvez vous faire Mayalibi. Vous pouvez faire du rebranding autant que vous voulez. Pour que ce soit clair, vous bossez pour nous. Pour que ce soit clair, on bosse pour personne. Retourne prendre tes clics et tes claques et casser maintenant. Ok, je crois que ce n'est pas assez clair. Disons les choses simplement. Si vous me reparlez une seule fois comme ça, j'ai à parler à une seule personne pour que vous ayez jamais la possibilité de repasser la frontière. Vous serez bloqué à Arkham City. Ok, on a acheté ce business pour être freelance. Après, non, mais on nous rachète pas comme ça. Moi, là, je trouve qu'on peut bosser, avoir des contrats avec vous. Mais on est freelance. Non, mais c'est que lui pas comprendre. Ce que toi pas expliquer. C'est que tu crois qu'on a acheté tout seul. Que comme ça, on est arrivé à Gotham. On s'est dit, tiens, on va sortir 90 000, 200 000 dollars de notre cul. Et on va acheter nous seuls bar comme ça. Non, qu'est-ce que tu crois? Qu'on a fait un emprunt à la banque. On dit bonjour, on voudrait un emprunt pour faire bar mafieux, s'il vous plaît. Non, bien sûr que non. On l'a emprunté à quelqu'un, ce fric. Et à partir du moment où on l'a pas remboursé, tu te doutes qu'on est sous sa protection. Alors si jamais Zewel, il veut racheter le bar, il rachète sa dette. Et ça, bien sûr, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et là, on fait business. Mais là, si jamais toi, je sais que tu veux pas refaire guerre des gangs, tu veux pas faire boum boum de tout ça, kiss, paf, paf, paf. Donc toi, être gentil. Et donc toi, dire à ton patron, que si jamais lui vouloir RRB, maintenant lui il rachète dette et c'est comme ça. Moi je le regarde, je fais ça. Il y a beaucoup d'informations dans ce que vous venez de me raconter. Mais si on est perturbé. Pour commencer. The Whale doit de l'argent à personne, c'est tout le monde qui doit de l'argent à The Whale. Secondement, qui est l'espèce de connard qui a décidé d'investir dans un bar sur notre territoire? Parce que soit clair, Arkham City, c'est à nous. Tout ce qui vend de l'alcool, tout ce qui vend des armes, tout ce qui fait des services, de la prostitution, quoi que ce soit, c'est nous qui le fournissons. Arkham City est à nous. Sans nous, Arkham City est vide. Alors qui est l'espèce d'enfoiré qui vous a donné ce fric? Et qui vous a dit que c'était possible de venir là? Je me tourne vers Marco. C'est compliqué, c'est-à-dire que lui pas donné nom. très, très, très discret. Toi, comprendre le business. Pas dire non. Donner ma lettre avec conditions très particulières, tout ça. Pas de contact, pas de truc. Tu vois quoi dire? Je vois, donc c'est personne. Très bien. Ça confirme ce qu'on pensait. On va être clair. On revient dans une semaine. Dans une semaine, vous aurez pris une décision. Cette décision, c'est soit vous êtes avec The Whale, soit vous êtes plus. Plus rien du tout. On va leur proposer à boire et recharger leur téléphone. Voilà, c'était notre visite de courtoisie. On se retrouve bientôt. À dans une semaine. Vous voyez que du coup, il se retourne, il monte dans un des véhicules. Une fois qu'il est bien à l'intérieur, les autres commencent aussi à rentrer en vous surveillant un peu du coin de l'œil. Les véhicules se mettent en route et ils quittent le parking. But you can run, you can run, you can run.